Fraisse. Bienvenue sur Énergie, 5h55, nous sommes le 12 juin, c'est mardi aujourd'hui. Si vous regardez dehors et qu'il y a de la pluie, sachez-le, ça va durer toute la journée. C'est l'alerte orange. C'est horrible. Donc il faut faire attention. Mais nous ne sommes pas en sucre. Est-ce que c'est la pluie qui va nous arrêter? Non. Est-ce que c'est le vent qui va nous arrêter? Mais non. Est-ce que c'est la neige qui va nous arrêter? Oui, moi. Ah, okay. On voit les guerriers. Hein. Dans Game of Thrones, il y en a qui vont taper les dragons et d'autres qui vont rester chez eux tranquillement. Voilà. Bon, on démarre l'émission dans 5 minutes, les amis. C'est Manu dans le 6-9. On est avec vous pour démarrer cette journée. Avant ça, comme chaque jour, c'est notre petit moment à nous. On se fait plaisir, on est bien, on est tranquille. C'est le club du 5-5-5 tous les jours à 5h55 pour s'écouter un titre. Aujourd'hui, une nouveauté. Ah, trop cool. J'ai le nouveau Maroon 5. Cool. C'est bien parce que les Maroon 5 peuvent chanter n'importe quoi. On le reconnaît à la voix du chanteur. Exactement. À la voix du chanteur. Il est tellement ça beau. Ça s'appelle. Alors seulement là, je parle de la voix. Mais on a bien compris que toi, tu. Il est beau, c'est tout. Pas de pluie et tu regardes juste les mecs. Tu regardes les clips sans le son. Le nouveau Maroon 5 s'appelle Girls Like You, les amis, et c'est pour vous ce matin. Ça, ça peut être un des gros hits de cet été. Ouais. Bon réveil, bienvenue sur Énergie. I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe. Let me. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. I'm Énergie, il est pile 6h, qu'on prépare le coq et qu'on le fasse chanter. Énergie. Bienvenue. On est de retour pour démarrer une nouvelle journée qui s'offre à nous et on va en profiter comme chaque matin. On est en direct dès 6h jusqu'à 9h30. Il y a le nouveau Pink qui arrive. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Dans 10 minutes, les concours du jour. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce que ça nous permet de nous dire qu'il y a bien pire que nous dans le monde. Il y aura le nouveau Kaigo aussi pour vous. Tout de suite, c'est les infos. Bienvenue sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. Sur Paris et Île-de-France avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Décidément, on ne s'en sort toujours pas. La météo reste très perturbée avec encore beaucoup de pluie sur l'ensemble de la France. Heureusement, quelques régions devraient quand même passer entre les gouttes. Les côtes de la Manche, mais aussi les bords de Méditerranée avec un ciel dégagé, donc ensoleillé. Des orages attendus aussi sur la Nouvelle-Aquitaine et les Alpes. Les températures en baisse. Cet après-midi, il fera 17 à Aurillac, 18 degrés à Metz, comptez 20 à Laval. Au total, une grosse vingtaine de départements sont donc placés en vigilance pluie inondation. C'est tombé très fort cette nuit de la Vendée à la Meuse en passant par l'île de France, la Sarthe ou encore l'Ille-et-Vilaine. On attend aussi de gros cumuls de pluie jusqu'à ce soir dans le sud-ouest, principalement pour les Landes, le Tarn-et-Garonne et les Pyrénées. Soyez très prudents, encore une fois, au volant. L'image de la nuit, c'est la poignée de main entre Donald Trump et Kim Jong-un, une première dans l'histoire. Jamais un président américain n'avait échangé de façon aussi apaisée avec un dirigeant de Corée du Nord, un pays considéré comme une dictature. Les deux hommes sont à Singapour aujourd'hui afin de parler de l'arsenal nucléaire nord-coréen. La grève à la SNCF, reprise du mouvement des cheminots ce mardi avec un trafic plus perturbé que la semaine dernière. 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2, 2 intercités sur 5 au programme. Et puis si vous voyagez vers l'étranger, la moitié des trains sont maintenus. Retour à la normale jeudi matin. Il y a une vie après le bac. Dans un sondage hier, 26% des étudiants français avouent regretter leur choix de filière dans le supérieur. Concernant le boulot, cette fois, ils souhaitent avant tout se rendre utile, même si l'épanouissement personnel et le salaire sont très importants. Dans l'immense majorité des cas, les sondés reconnaissent l'influence des parents et de leurs conseils dans leur évolution de carrière. Et puis dernière chose, bien sûr, bon courage à tous ceux qui révisent pour le bac qui approche. En sport, le foot est un anniversaire, celui de la victoire des Bleus lors de la Coupe du Monde en 1998. 20 ans après, toute la bande se retrouve ce soir à Nanterre pour affronter une sélection des meilleurs joueurs internationaux de l'époque. Sur le terrain, on verra donc Zidane, Blanc, Barthez, De Sailly, mais aussi le Brésilien Roberto Carlos ou encore Samuel Eto'o, le Camerounais. 30 000 spectateurs attendus pour cette rencontre diffusée sur TF1. C'est le plus grand rendez-vous mondial dédié aux jeux vidéo. L'E3 débute aujourd'hui à Los Angeles, mais la plupart des grandes marques ont déjà anticipé en présentant leurs grandes nouveautés. Chez les Français d'Ubisoft, on a dévoilé entre autres une bande-annonce inédite de la suite du jeu Assassin's Creed, un véritable blockbuster. Et puis il y a aussi les annonces des collaborations avec les acteurs gamers Elijah Wood de Seigneur des Anneaux ou encore Joseph Gordon-Levitt, déjà vu dans Snowden notamment. Attention, elle arrive. Shakira n'a plus qu'à prendre l'Eurostar pour débarquer chez nous. Sur ses réseaux sociaux, elle vient de dire au revoir à Londres. Direction donc Paris pour la Bomba Latina avec deux concerts demain et après-demain dans la capitale. Elle sera aussi à Bordeaux et Montpellier dans deux semaines, des shows énergie. 6h03, c'est la fin de ce flash. Bon réveil, bonne matinée, mardi 12 juin sur Énergie. Vous retrouvez Manu dans 6-9. Bonne journée. Que vous soyez sous les nuages ou sous la pluie, nous sommes là pour vous. Ouais. Oui. Nous, on est à l'intérieur, c'est bon, on est protégés. Ouais, oui. C'est cool. Faites attention à de la vigilance orange partout, ça veut dire qu'en gros, il y a de la pluie partout. Ah ouais. N'allez pas m'attraper un rhume. Vous mettez le cache-col. On est avec vous pour démarrer cette journée, pour créer ensemble cette journée. Comme chaque jour, on est là. Les moins du matin, évidemment, sont tous là. Il y a l'heure. Oui, évidemment. Il y a Nicolas Webb. Bonjour. Bonjour à vous. Paulette est au standard. Youhou. Youhou à toi aussi. Glandu, il me semble, là aussi. Ouais. Ce que tu dis comme ça pour avertir que t'arrives. Pour prévenir, ouais, quand t'arrives assez vite derrière quelqu'un, pour pas renverser. Pour prévenir que t'arrives, tu dis pop pop. Ouais, pop pop. Comment tu dis pour prévenir que t'es viré? Ça, j'ai jamais fait ce cri encore. Tu veux que je fasse? Les Wawa du matin, ils portent bien leur nom et ils sont là avec vous pour démarrer cette journée. N'hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant. 0870 42 48. C'est quoi? On va démarrer avec vous. Allez, cool. On va aller au standard. On a Luc qui est là. Bonjour Luc. Salut Manu, salut les Wawa et les Wawin. Salut. Bienvenue sur Énergie Luc. On va s'écouter Kaigo dans deux minutes. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi pour démarrer cette journée? J'ai besoin de savoir si je suis normal, parce que, écoute Manu, moi, je crois que j'ai un problème, je ne pleure jamais. Tu ne pleures jamais, mais tu as déjà pleuré? Alors, quand j'étais petit, oui, mais je m'en souviens plus. Mais depuis que je suis adulte, ouais, depuis que je suis sorti du collège, je pleure jamais. Ah. Genre, je sais pas, au cinéma, il n'y a aucun film qui me fait pleurer. Après, tu vas peut-être pas voir les bons films. Hein, si tu vas voir, voilà, si tu vas voir, par exemple, Expendables, c'est rare de pleurer. À part quand Chuck Norris, évidemment, un moment, loupe quelqu'un quand il tire la carabine. Bon. Mais mon hamster, j'y tenais vachement et tout. Bah, il est mort. Bah, voilà, j'ai pris sur moi. Une fois, je me suis pété un bras. Rien. Je pleure jamais. Est-ce que c'est normal? Mais alors, est-ce que donc quand tu dis je prends sur moi, ça veut dire qu'en fait, t'oses pas pleurer? Non, j'étais triste, mais je me suis dit c'est la vie, quoi. Voilà. Il relativise tout, quoi. Mais tu sais, Luc, il faut quand même laisser un petit peu sortir ses émotions, parce qu'un jour ça va sortir au mauvais moment. Ouais, ça va péter. Ce sera inapproprié. Et tu sais quoi? Un jour, tu vas pleurer d'un coup, et là, on aura encore une alerte orange. Ouais. C'est à cause de gens comme toi qu'on a des orages. Les mecs qui sont en avion là-bas, ils chialent. Ouais. Et non, voilà. Paulette. Il a peut-être un problème de glande lacrymale. Ça sort pas. Des yeux, ça sort pas. Mais non, parce que quand il était petit, ça sortait. Eh ouais. Il y a un truc qui s'est bloqué. C'est que oui, exactement. Tu n'oses pas pleurer. Tu veux pas. Bon, tu refuses de pleurer. Je me suis fait larguer à chaque fois. D'accord, c'est fini. Ah ouais. Bah, je trouverai mieux la prochaine fois. Quoi. D'accord, genre par exemple, quand tu vas à la boulangerie, que tu veux acheter un pain au chocolat et qu'il n'y en a plus, tu fais un croissant quoi. Et là, il nous dit non, là je chiale. Après, moi je trouve pour toi, c'est pas forcément gênant, mais c'est pour les autres que c'est un peu vexant quoi. Mm. Tu vois, quand une fille t'annonce qu'elle te quitte et que toi tu pleures pas. Ouais, c'est vexant. C'est vexant, c'est elle qui a commencé aussi quand même dans l'histoire. Oui, c'est vrai. Merde, tu pleures pas, je voulais te faire de la peine. Ouais. Mais non, non. Mais peut-être que Luc il s'en fiche de tout. Non, je pense pas. Luc, t'es toujours là? Bah oui, je suis toujours là, je sais pas, non, si je m'en fiche de tout, peut-être qu'il m'est pas arrivé un truc de grave, je sais pas, mais je me demande si je suis normal en fait, parce que je vois tous les autres, ça leur arrive de temps en temps et moi. Moi je vais dire un truc, je pleure pas des masses. Hein. Ah ouais? Je pleure pas des masses. Oh. Non, honnêtement, même ma femme elle m'a dit, Yon, tu pleures pas. Je fais je suis un cow-boy moi. Quand vous étiez petit, on vous a dit, les garçons ça pleure pas? J'en sais rien moi. Parce que c'est ça aussi. On vous dit quand vous êtes petit, les garçons ça pleure pas. Donc et après, on vous bloque. Je te vois arriver alors. Après, tu vas nous demander 100 € pour la consultation. je vais arriver là. T'as besoin d'acheter les fringues. Mais tu te souviens quand même de la dernière fois où t'as pleuré? Peut-être un film, un truc qui t'a touché? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Tu sais quoi? Essaye de regarder Marley et moi. Vous savez quoi? Je pleure pas devant les films. J'ai failli pleurer devant Marley et moi. Parce que je suis comme toi, Luc. Je ne pleure pas, mais devant Marley et moi, quand à la fin le chien il meurt, et ben ça m'a failli. Alors maintenant tu le sais, putain. Eh ouais. Non, mais t'es pas. Oh merde, je t'ai spoilé un film de 95. Écoute, Luc, mais à partir du moment où tu le vis bien, c'est pas dramatique, tu vois. Bon, mais tu le vis pas bien. C'est pas triste que ça, quoi. Sinon, je suis normal, quoi. Si tu te poses des vraies questions, réellement, il faut pas demander à nous. Il faut aller demander à un médecin. Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, un médecin ou un psy, tu vas voir quelqu'un et tu lui dis, voilà, est-ce que vous pensez que je suis normal? Je pleure jamais. Et lui, il aura des vraies réponses à te donner plutôt que nos réponses de merde. Mais c'est mon médecin, moi, c'est ta réponse. Je vous écoute tous les matins. Je me suis dit, tiens, Manu, il va pouvoir me dire un truc intelligent, quoi. Ah non. Alors, c'est que tu fais une erreur, tu ne nous écoutes pas. T'écoutes une autre émission et des fois, tu zappes sur nous et tu confonds les deux. Fais un effort, Luc. On se souhaite une belle journée. Merci de nous avoir appelé. Merci beaucoup à vous. Passez une bonne journée aussi. Ciao. 6h10. On va écouter Caïgo. Peut-être que ça fera pleurer. Non. Dans 3 minutes, les amis, c'est les concours du jour. Comme chaque jour, des gens improbables qui font des choses improbables. Et Luc, tu vas voir, si tu demandes si t'es normal, crois-moi, t'es tellement normal par rapport à tous les gens dont je vais vous raconter l'histoire. C'est dans 3 minutes sur Énergie. Après Kaigo. It never fades away, it's staying. Your kiss like broken glass on my skin. And all the greatest loves ending violence. It's tearing up my voice, left in silence. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. Reminding me I got these scars to get your love. Keep reminding me of. me to the core, still healing, and I know you're no good for me. So I try to forget the memories, 'cause baby it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. You left your mark. You left your mark, reminding me to forget. You left your mark. You left your mark. Remember, I told you to save it. It's over, and I'll be alright. So hurt me as much as you like. I need you. Bienvenue sur Énergie, il est 6h12, on va s'écouter le nouveau Pink dans 3 minutes. Et avant ça, voici comme chaque jour, du bien pour nous. Ouais. Oui, on se fait du bien parce qu'on apprend qu'il y a bien pire que nous. Voici des gens improbables qui font des choses improbables, c'est les concons du jour. On démarre à Saint-Étienne. Un prisonnier s'est fait gauler en cellule il y a quelques jours parce qu'il avait dans sa cellule une piscine gonflable. Mais non. Oui. Oh. Alors, il s'est pas fait prendre lors d'une fouille, mais parce qu'en fait... il s'est filmé, il a mis la vidéo sur Twitter, sachant que la piscine gonflable et le téléphone portable sont totalement interdits en prison. Ah ouais. Et bah ouais. Le mec avait réussi à faire passer un téléphone portable et une piscine gonflable. Ouais, c'est fou. Il a réussi à remplir avec de l'eau dans sa cellule. Attends, il va y avoir du monde justement dans la cellule. Ouais, c'est ça. Pool party quoi. Ah bah, le mec était tellement en détente que je pense qu'il frappait à la porte de sa cellule et qu'il disait gardien, un mojito s'il vous plaît. Deuxième concon du jour, c'est trois personnes aux États-Unis à Seattle qui décident de faire un casse dans un magasin de guitare. Oh. Ils volent ce qu'ils ont à voler, des instruments, des amplis, etc. Et ils partent, ils s'enfuient, chacun dans une voiture. Ouais. D'accord. Et on ne sait pas pourquoi, mais ils commencent en fait à faire une sorte de petite course entre eux. Oh. Ouais. Ah. Genre, je suis plus rapide que toi, je suis plus rapide que toi. Ouais. Ils partent chacun dans la direction opposée dans le parking. Bim, bim, boum, paf. Évidemment, arrive ce qui devait arriver, accident. Non, ils se sont rentrés l'un dans l'autre et du coup, bah, les policiers sont arrivés et les ont arrêtés. C'est le problème des mecs, quoi. C'est le côté compétiteur, mais pour rien, quoi. Ah, c'est le problème du cercle. Hein. Il y a un moment, c'est quand même abusé leur connerie. Quoi. Dernier concours du jour. On est toujours aux États-Unis, dans l'Alabama. Une femme braque une banque sans aucune arme. Comment elle fait pour tenter de braquer la banque? Elle va au guichet, elle tend un papier à la personne qui est derrière le guichet, et sur ce papier, il est écrit « Donnez-moi toute la caisse et je vous fais une gâterie. » Quoi? Non, trop bizarre. Non. Et le banquier a refusé, il a appelé la police, elle est en prison. Ah bah ouais. La Casa des Papels saison 3. Ça peut paraître débile comme ça, mais imaginez Tokyo. Ah oui. Est-ce qu'il aurait appelé la police? Non, pas sûr. Je viens de vous spoiler la saison 3. 6h14, on revient tout de suite avec le nouveau Pink sur Énergie. Bienvenue sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. Some of that, love you know you booty pop when the beat drop. For me, my baby, where your teeth is a rap. Love the energy when your fingers don't rock. In girl, you're preparing your ever look hot. Every queen, girl, you know, so you never yet stop. I know I see when me want for your talk. My eye the punchy, precise and exact. Good Lord, girl, you're going too hard. Girl, you like some flippers when I'm spreading. Ça fait pas forcé du tout. Ouais. On lui a fait mis un texte en lui disant Pink, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire ça? C'est Manu dans le 6-9. Pink, le nouveau, les amis, ça s'appelle Whatever You Want. Ça arrive pour vous dans une minute. Juste le temps de vous dire ce qu'on va faire juste après. J'adore ça. Le principe est très simple. Vous nous racontez une histoire et à un moment, vous vous arrêtez et vous nous dites, d'après vous, cette histoire, est-ce qu'elle s'est terminée au lit? Ah oui, trop bien. 0-870-42-48, vous nous appelez, on vous prend au téléphone juste après le nouveau Pink. C'est Manu sur NRJ. Running like a dog, fighting like a bitch too much, and you just can't stand it, baby. Even when I fall, you don't seem to give two shits, cause you're just too cool, baby. We could have it all, neither one of us would budge, cause we can't be wrong, baby. Folding up your arms, closing up your heart. It's me. sur Énergie, 6h21. On va écouter le nouveau Dadju. Ça arrive pour vous juste après les infos de 6h30. Mais avant ça, vous nous racontez des histoires. Vous nous racontez une histoire. Et à un moment, vous arrêtez et vous nous dites... Et d'après vous, cette histoire, est-ce qu'elle s'est terminée au lit? Ouais. Ah ouais. Évidemment, alors, à chaque fois, on espère que oui. Ah oui. On a Manon qui est avec nous. Bienvenue, Manon. Coucou les wouah. Hello. Hello. Bienvenue sur Énergie, Manon. On t'écoute. Alors, moi, ce week-end, il y a un de mes copains qui est venu m'aider à monter un lit Ikea. Alors, est-ce que ça s'est fini au lit? Ah, c'est rapide ça. C'est rapide. Son histoire est très courte. Hein. Il est venu m'aider à monter un lit Ikea, on a baisé. Alors, je résume. Hein. Alors, c'est, imaginez, Manon est là. C'est qui? C'est un collègue de travail qui est venu? Non, c'est un pote. Ah, c'est un pote. D'accord. Nico? Je pense pas, ça fait un peu cliché quand même là. Le côté, tiens, ça, ouais. Tu vois, c'est vieux, mauvais film X. Ah oui, très mauvais. Ouais, mais je me suis dit peut-être que lui, il s'est dit qu'il avait ses chances, mais peut-être que toi, t'étais moins open au truc. Mm. Écoute, on va dire non. On va dire non. Non, bah ouais, c'est bien ça, c'est non. C'est pas que je voulais pas spécialement, mais lui, il avait très l'air de faire. Voilà, ça finit en fait. D'accord. Il n'y a vraiment rien de bien dans ton histoire. Hein. Mais courage, en tout cas, continue à monter des meubles et peut-être qu'un jour ça va arriver. Merci Manon de nous avoir appelé. Damien, bonjour. Salut Manu, salut les wouah. Bienvenue sur Énergie, Damien, on écoute ton histoire. Eh bien, moi, en fait, je suis resté coincé plus de 3 heures dans un ascenseur qui est tombé en panne avec une copine. Et alors, est-ce que ça s'est fini au lit? 3 heures dans un ascenseur. Waouh. Ah. Ouais. Avec une copine, une bonne copine? En fait, c'est une copine qui est une collègue de boulot à la base. Ah, toi, c'est une collègue de boulot à la base. Moi, je dirais que non, parce que moi, une de mes pires craintes dans l'ascenseur, c'est qu'à un moment, t'as envie de faire pipi. Du coup, ça te coupe un peu l'envie. Ah, si, ça va être horrible dans l'ascenseur. Horrible, m'en parle pas. Ouais, du coup, je pense pas. Moi, je pense que oui. Ah ouais? Ouais. Ouais, parce que j'aime bien cette histoire. Ah oui. Moi, non, parce que je pense que t'as quand même le flip que le réparateur arrive, quoi, ou que le truc se réouvre. Ah, plus. Ah. Tu sais pas que tu vas rester 3 heures. Laure? Ça s'est terminé au lit, je dirais non. Peut-être ça s'est terminé dans l'ascenseur. C'est le principe. Ah, oui. Ouais. Damien, on va dire que oui. Allez, pour le plaisir. Ouais. Ouais. Ben, en fait, pour le coup, oui, dans l'ascenseur, pas au lit. Oh, c'est génial. Champion. Voilà. Wow, c'est fort. Et vous aviez le stress que les gens arrivent pour réparer? En fait, on n'y a plus pensé. On a commencé à parler, on s'est raconté des tas de trucs. Bon, effectivement, après, ça a vite dérivé sur le cul. Ah, d'accord. Et on était désinhibés par le fait que ce soit un petit endroit. Ah, mais oui. Si ça se trouve, ça va se cracher, on va mourir. Ok, on fait l'amour. C'est ça. Ça marche. Merci de nous avoir appelé, Damien. On a Claire qui est là avec nous. Bonjour, Claire. Claire? Ah, apparemment, ça s'est terminé au lit avec Claire. Ah, ouais. Du coup, félicitations. 6h24, on va revenir tout de suite sur Énergie avec Dadju. C'est les chaînes comme Django. C'est le nouveau, ça s'appelle Django. A tout de suite sur Énergie. Manu dans le 6-9. Énergie, coco et go. Venez dans les studios d'Énergie. À la rencontre de Camila Cabello. Salut, c'est Emery. Camila Cabello sera avec moi dans mon studio le 19 juin. Ce soir, dans le Rico Show à 20h sur Énergie, je vous offre vos invitations pour assister à l'interview et le transport ainsi que l'hôtel. C'est pas ouf ça? Grave. Le Rico Show, ce soir, 20h sur Énergie. Bonjour, je viens de voir l'annonce BMW Série 1 M Sport Ultimate à 295€ par mois. Oui, et sans rien à ajouter. Mais le prix, c'est pas celui du super modèle en photo, là? Si, c'est celui de la BMW que vous voyez. Sans aucun apport? Aucun, avec tout l'équipement indiqué, mais aussi l'entretien et l'extension de garantie inclus. Ça, c'est 100% clair. Découvrez la BMW 1/16i M Sport Ultimate à 295€ par mois sans apport pendant les BMW Speed Dates. LLD 36 mois, 30 000 km jusqu'au 30 juin. Détails sur bmw.fr. Speed dates, rencontre rapide. Vincent est militaire. Quand il part en mission, c'est souvent pour plusieurs mois. Pour garder le contact avec ses proches, ses appareils numériques lui sont indispensables. Voilà pourquoi chez GMF, nous assurons vos tablettes, ordinateurs portables et smartphones en cas de bris ou de vol, où que vous soyez. Et en ce moment, chez GMF, 2 mois offerts la première année pour toute souscription d'un contrat d'assurance habitation Domopass jusqu'au 30 juin. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre et coordonnées de l'assureur en agence GMF et sur gmf.fr. J'adore

Plusieurs régions en alerte donc ce matin. Après ce qui est tombé cette nuit, on attend encore beaucoup de pluie jusqu'en milieu de matinée sur l'île de France, les Ardennes ou encore la Mayenne. Même chose jusqu'à ce soir, cette fois dans le sud-ouest, pour les Landes jusqu'aux Pyrénées. C'est très compliqué de conduire sur des routes souvent gorgées d'eau. Beaucoup d'inondations également, soyez très prudents. La SNCF est ce 15e épisode de la grève des cheminots qui débute. La situation sera un petit peu plus compliquée que la semaine dernière pour les usagers. On tourne autour de 2 TGV sur 5, 1 TER sur 2, 2 intercités sur 5 actuellement. Fin du mouvement jeudi matin. Un face-à-face inédit, Donald Trump a rencontré Kim Jong-un à Singapour cette nuit. Une poignée de main historique entre un président des États-Unis et un dirigeant nord-coréen. Le leader américain veut négocier pour supprimer l'arsenal nucléaire militaire en Corée du Nord. Ils nous ont fait rêver, les Bleus vainqueurs du mondial en 1998 se retrouvent ce soir à Nanterre pour fêter les 20 ans du sacre. Au programme, un match amical face à des grands internationaux étrangers de l'époque. Ça nous donne donc Zidane, Barthez, Desailly, Pires, Roberto Carlos ou encore Samuel Eto'o sur le même terrain. À voir dès 21h sur TF1. Et pendant ce temps, les Bleus, les vrais, ont eu leur premier entraînement en Russie hier. Il pleut là-bas aussi. Premier match de la Coupe du Monde, samedi contre l'Australie. La paix au bout des doigts. Jane revient avant la saison des festivals, une colombe à la main sur la pochette de son dernier single, All Right. À l'image de son parcours entre l'Afrique, le Moyen-Orient et la France, le titre est un véritable melting pot de sonorités. Écrit l'été dernier lors de la tournée. Dans l'idée, j'ai écouté beaucoup de musique sud-américaine et donc c'était essayer de faire un truc un peu reggae, caraïbéen, enfin un truc qui groove et chaloupé, quelque chose de voilà, de toujours très ensoleillé. C'était une sorte d'hymne aussi à l'indépendance face à l'amour. Donc voilà, ça parle à, je pense que ça peut parler à tout le monde. Je sais pas vraiment s'il reflète l'album parce qu'il y aura quand même plein d'autres influences encore même comparé au premier album, comparé à Zanaka. Il y aura des influences un peu plus arabisantes, un peu plus hip-hop parfois, un peu plus électro aussi, mais il s'inclut dans une globalité, on va dire. Voilà pour cette interview signée Emily Dez. Jane en tournée cet été à Dijon, à Grenoble ou encore du côté de La Rochelle. 6h33, c'est la fin de ce flash pour réveil. Bonne matinée sur Énergie, tout va bien ce matin. On est là avec vous comme chaque matin, 6h33, c'est mardi aujourd'hui, nous sommes le 12 juin 2018. Bonjour mardi ! Bonjour mardi ! Les sondages du matin arrivent dans moins de 10 minutes, ce sera juste après Dadju, des sondages spéciaux, ce que pensent les femmes. Ah, ouais, très bien. J'ai un beau cadeau à vous offrir, deux invitations pour assister au Energy Music Tour, c'est à Disneyland, c'est à Paris, c'est le 23 juin. Ouais. Il y aura Dadju, il y aura Kungs, il y aura Kenji, il y aura Offenbach, il y aura Amir, il y aura Vita, oh. Cecilia Krull, la chanson de la Casa de Papel. Trop cool. Génial. C'est dingue. Transport et hébergement pour deux personnes inclus. Pour gagner, il suffit de s'inscrire sur energy.fr ou sur l'appli Energy et participer à la phrase Energy. La phrase Energy du moment est « Je veux mes places pour le Energy Music Tour à Disneyland Paris ». C'est clair. Ouais. C'est assez simple à retenir. Ouais. Je veux mes places pour le Energy Music Tour à Disneyland Paris. Si on vous appelle tout à l'heure, que vous vous êtes inscrit, que vous répétez cette phrase quand on vous la demande, vous repartirez avec ce magnifique cadeau. Ah, trop bien. Génial. Je vous l'annonce, ça va arriver avant 7h, on va se débrouiller. Ah. Ouais. Okay. Avant ça, quelques infos les amis. Ouais. Je pense que tout le monde utilise son smartphone aux toilettes. Ah oui. Oui. Oh oui. Ah oui. Très bien. Plus de 2/3 des gens font comme nous. Ouais. Ils utilisent leur smartphone aux toilettes. Okay. Mais c'est devenu la chose numéro 1 qu'on fait aux toilettes. Avant, on lisait des magazines, on réfléchissait. Non, maintenant, c'est on va aux toilettes avec son smartphone. Ah ouais. C'est là qu'on check Facebook, Instagram, tout ça, quoi. C'est la base. Et les plus courageux tentent des FaceTime. Oh, ouais. Ah, oula. Ah non. Oula. Oula. Oh non. Génie est plus courageux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, on dit souvent, vous savez, que les pets de mouton sont très mauvais pour la couche d'ozone, les pets de mouton, les pets de vache. Okay, parce que c'est du méthane et que c'est la cause de trous de, de la couche d'ozone. Ouais. Des chercheurs néo-zélandais l'ont annoncé hier, ils ont réussi à diminuer de 10% les rots et les pets de mouton qui sont considérés comme des gaz à effet de serre. Bah. Ah, et de quelle manière ? Comment ? Alors, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Ouais. En triant les moutons qui pètent et qui rotent moins, mais non. Et en les accouplant ensemble, mais non. et moins pété. Pourquoi ? Parce que moins pété et moins roté, c'est un trait héréditaire chez les moutons. Ouais. Oh, bah, c'est-à-dire que si on accouple ensemble deux moutons qui ne pètent pas et qui ne rôdent pas, ça ferait des moutons qui ne pètent pas et qui ne rôdent pas. Je trouve ça génial pour l'environnement et la couche d'ozone, mais quand t'es sur cette mission-là, c'est quand même... T'en parles pas à tous tes potes, quoi. Bah, disons que c'est compliqué le soir quand ta petite fille saute sur tes genoux en disant « Qu'est-ce que t'as fait, papa, aujourd'hui ?» Ouais. J'ai trié les moutons qui pètent. Voilà. Mais bon, je saute... Ah, non, si vous le faites, dites simplement « J'ai sauvé la planète. » Ça marche. 6h36, dans 3 minutes, c'est les sondages du matin spécial, ce que les femmes pensent. Oui. C'est juste après Dadju sur LRJ. Bon réveil. Je veux tu portes de mon nom de famille, mais ça prend du temps. J'ai même parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Yeah. Il veut nous éloigner, donc il sort toutes sortes de foutaises. Et quand je lui demande quel genre d'homme il te faut, il me dit comme toi mais pas toi. Laisse-moi le calmer, il faut que son cœur s'apaise. Laisse-moi lui montrer qu'il a tort de penser qu'un autre t'aimera bien plus que moi. Il veut que tu te maries, que tu fondes une famille avec n'importe quel autre homme que moi. Il me voit comme celui qui vient lui voler sa fille pour te retenir, il abuse de ses droits. Je veux bien être gentil, papa, mais même toi tu peux pas nous bloquer. Donc on va parler d'homme à homme, car c'est ma vie là et tu m'empêches d'avancer. Je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. Je veux parler de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir dans son cœur une place? J'ai fait l'impossible pour que ce soit possible. Il me voit comme un bon à rien, mais dis-lui que je suis bon dans tout ce que je fais. Dans ma vie, je sais où je vais. Yeah. Contre ses choix, je refuse, je m'impose. C'est toi mon choix et pas une autre. Laisse-le croire qu'on foncera droit dans un mur. Change pas d'avis de nous, je suis sûr. Dis à ta mère, je prendrai soin de toi avec ou sans son accord. L'affaire, je lâcherai pas, je compte pas t'abandonner. Sache que je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. J'ai parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Bienvenue sur LRJ, il est 6h38, on va s'écouter David Guetta. Avec Sia, c'est Flame, ça arrive dans 3 minutes. Mais avant ça, comme chaque jour, voici les sondages du matin. Et alors attention ce matin, des sondages spéciaux, ce que pensent les femmes. Ah ouais, top, vas-y. Quand elles cherchent une relation à long terme, une femme sur 3 choisit un homme qui a ce détail physique. Quel détail d'après vous ? Il est grand ? C'est pas grand, Paulette. Une petite brioche pour s'accrocher. Oh non. Non, c'est pas le bidon. C'est un rapport avec la taille de quelque chose ou pas ? Non. D'accord. Non. Ok. Désolé. Tant pis. Et ça m'arrange. Glandu ? Des épaules accueillantes. Oh. Des épaules accueillantes. C'est assez large pour qu'elle pose sa tête. Non, c'est pas ça. Quand elle cherche une relation à long terme, une femme sur 3 choisit un homme qui a ce détail physique. Des cheveux blancs, comme ça tu sais que ça il lui a va des cheveux bien blancs. Ou pas. Non, que ça lui va bien ou pas. Ah oui. Et oui, tu prévois pareil, l'avenir, quoi. Tout ça. Ah, genre tu peux être amoureuse de quelqu'un et dès qu'il a un cheveu blanc, mon Dieu, c'est horrible. Ça te va tellement mal. Je te quitte, Bernard. Oh, la rupture. Alors c'est pas les cheveux blancs, mais c'est un rapport avec les poils. Ah. Il a une barbe. Une barbe. Ah ouais. Ah, c'est quand, cool. Quand elle cherche une relation à long terme, une femme sur 3 choisit un homme qui a une barbe. Putain, ah, le ouais. Père Noël, quoi. Elle a de la chance. T'imagines, lui. Le père Foura, quoi. Ah, oui. Tous, là-haut, qu'est-ce qu'ils ont. 6 femmes sur 10 sont persuadées que les hommes qui en font exagèrent à chaque fois sur ce sujet. 6 femmes sur 10 sont persuadées que les hommes qui en font exagèrent à chaque fois sur ce sujet. Les tâches ménagères. Non. Ça, c'est 12 femmes sur 10 le pensent et elles ont raison. Des complaintes quand ils sont malades. Non, c'est quand, qui en font, qui font quelque chose. 6 femmes sur 10 sont persuadées que les hommes qui en font exagèrent à chaque fois sur ce sujet. La cuisine ? Non, c'est pas ça. Ça a rapport avec le sexe ou pas du tout ? Rien à voir avec le sexe. C'est quelque chose qu'on fait à la maison, généralement ? Tu peux en faire un petit peu à la maison, mais tu peux le faire en extérieur. Ça a rapport avec le sport ? Bah, c'est les résultats en sport. Ah ouais. Et ouais, 6 femmes sur 10 sont persuadées qu'on exagère sur nos résultats en sport, ce qui est, je vous le dis, totalement vrai. Ah, voilà, super. Mais oui, ouais. Je me prends un 6-0 en tennis, ça se transforme en 6-4-7-5 très serré. Dernier sondage spécial, ce que les femmes pensent. Oui. Pour une femme sur deux, c'est le sport le plus sexy. Quel est le sport le plus sexy ? La muscu ? C'est pas la muscu, Nico. Non. La natation. Eh ben non. Le polo. Le polo. Ah, ils sont à cheval et tout, c'est sexy. Ah oui, mais c'est pas ça. La boxe. La boxe, non. C'est un sport collectif ou pas ? Oui, effectivement, ça se joue en équipe. Le basket. C'est pas le basket. Le foot ? Non plus. Le rugby ? Le rugby. Ah ouais. Pour une femme sur deux, c'est le sport le plus sexy. Ah, ils sont baraques, forcément. Ah mais à chaque fois, les dieux du stade quoi. Bah ça, c'est sûrement dû au calendrier. Ouais. À un moment, les dieux du stade, ils ont pas pris les mecs qui font du ping-pong. Hein. Non. Ce qui explique ce sondage. Et voilà. 6h41, les sondages du matin. Vous les retrouvez aussi en podcast. C'est sur manudansle69.com et sur l'application manudansle69. Dans 3 minutes, les amis, on va lire les messages que vous nous les envoyez sur les réseaux sociaux. Et puis, on va écouter aussi les messages vocaux que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Nico Newweb écoute tout et il partage avec nous. On a reçu un message d'Anthony, le pauvre, qui s'est fait voler le truc le plus improbable du monde chez lui. Et j'aimerais juste savoir ce que le voleur va faire avec ce truc-là. C'est vrai. Je suis curieux. Bah écoute, nous, on est curieux de savoir de quoi il s'agit. Ouais. C'est dans 3 minutes, juste après David Guetta et Sia sur NRJ. C'est Flames. Bienvenue, c'est Manu dans le 6-9. Go, go, go. Bienvenue sur Énergie, 6h45. On va écouter Vita Coé, Claudio Capéo. Ça arrive pour vous et dans 20 minutes, on va doubler votre salaire à 7h05, comme chaque jour. Mais avant ça, on lit les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux et puis on écoute évidemment tous les messages que vous envoyez, les messages vocaux que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Yes. C'est Nico du Web qui s'en occupe et tous les matins, il partage ça avec nous dans l'émission. Ouais. Régulièrement, on se demande tous ensemble si certaines choses qu'on fait font de nous des personnes pas vraiment normales. Et souvent, la réponse est effectivement, nous ne sommes pas normaux. Voilà. Ouais. Bon, on a eu plein de messages sur Facebook là-dessus. Il y a Sandro qui nous dit: je pleure quand je perds un jeu vidéo, j'ai 34 ans, suis-je normal? Non. Si. Mais non, ça va pas. Écoute, un peu de recul. Je suis gamer, c'est pas une question de recul, c'est une question de sentiment. Une question que derrière cet homme guerrier, il y a aussi un cœur qui bat. Bah oui, mais c'est un jeu, Manu, c'est pas la vraie vie. Mais surtout, est-ce que c'est normal de jouer aux jeux vidéo à 34 ans? Bah oui. Regardez les gamins. Alors, tu sais quoi, je vais t'apprendre quelque chose. Ouais. Ah non, il y en a plein. Et vous pouvez vérifier sur internet, l'âge moyen d'un joueur de jeux vidéo, c'est 32 ans. C'est pas 8 ans. Ça c'est ce qu'on pensait dans les années 80, mais depuis ça a évolué. Ouais. Et aujourd'hui, non mais parce qu'on pense les gamers, tout le monde, enfin pas tout le monde justement, plein de gens disent c'est des gamins. Mais non, les gens de jeux vidéo aujourd'hui, l'âge moyen c'est 32 ans. Ouais, il y a quasiment autant de filles qui jouent aux jeux vidéo que de mecs en plus. Exactement, ça y est, ça a évolué, on est dans un nouveau monde, vive les gamers et on a le droit de chialer quand on perd. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bon, dans les trucs qu'on fait, on se demande si on est normaux ou pas. Il y a Juliette qui dit: je tape des pieds quand je marche seule dans un parking pour faire peur à d'éventuels voleurs. Suis-je normal? Et c'est bien connu que les voleurs ont peur des bruits de pas. Ouais. Ouais. Et si elle s'est jamais fait attaquer jusque-là, c'est que ça marche. Hein. Donc, pas du facile qu'il faut continuer. Oui, oui, je me mouche quand j'ai un rhume et je suis toujours vivant. Suis-je immortel? Oui, ça marche. Il y a Cléa sur Twitter qui nous dit aussi: je lis toujours la dernière page d'un livre avant de la commencer. Suis-je normal? Ouais, c'est classique ça. Ah ouais, ouais. Tu lis la dernière page et tu dis: ouais, ils sont pas l'air terribles. Ouais. Et tu le reposes. C'est ça. Lionel aussi sur Facebook, il nous dit: je prends une voix de femme quand je réserve au resto en espérant avoir la meilleure table. Oh, suis-je normal? Mais non, c'est tellement drôle. Bah, ce qui est drôle, c'est surtout si le mec se rend compte que c'est un mec qui prend une voix de femme. C'est génial. Ah bah lui il est taré, je vais le mettre au fond de la salle. C'est ouf. Un petit dernier message, c'est Fanny qui nous dit: quand j'écoute de la musique, je m'imagine dans le clip, suis-je normal? Ah ouais. Ça c'est classique. Ouais. C'est archi normal. Ah, ouais. C'est archi normal. Tout le monde s'imagine dans un clip. Quand tu marches et que t'as un casque, mais la vie est un clip. T'inquiète pas, t'es totalement normal. Ou alors on est tous tarés. Ce qui est aussi une possibilité qu'on peut envisager. Bon, on a aussi notre application Manu 6-9 sur laquelle vous nous envoyez vos messages vocaux et on les écoute chaque matin. Là, on démarre avec Anthony qui s'est fait voler le truc le plus improbable du monde. Bonjour. Cette nuit, quelqu'un a volé mes deux buissons que j'avais à côté du portail. Il s'est fait voler deux buissons. Ouais, le gars a un portail, deux buissons, le mec lui a piqué les deux buissons. Je n'ai qu'une explication. C'est un mec qui avait cours de course au collège et qui n'avait pas de buissons pour pouvoir se planquer, qui a volé les buissons, qui a été les planter et ensuite qui a pu se cacher là. Ça sent le vécu un peu. Tellement. Je n'ai pas d'autre explication. Bon, trois autres messages, là aussi, tous aussi improbables les uns que les autres. On commence avec un message de test. Test, 1-2-1-2. J'ai chaud les pieds, je répète, j'ai chaud les pieds. J'ai chaud les pieds. Ouais. Il teste comme il peut. Hein. J'en ai un autre aussi du même style. Ouais, salut, c'est pour tester, pour voir si ça marche. Bon, j'ai rien de spécial à dire. Tu veux dire quelque chose? Non. Bon, bah ça. J'adore. Ils sont à deux potes. Parce que non, tester seul, on a l'air con. Vous pouvez tester, faites-vous plaisir. Un petit dernier, c'est un message très personnel d'Ulric. Salut tout le monde. Bah en fait, c'était juste pour entendre ma voix à la radio. Voilà, message qui sert à rien. Bisous. Et oui, parce que l'application Manu dans le 6-9 sert aussi à ça. Faites-vous plaisir. Aux messages qui ne servent à rien. Oui, c'est ça. L'application Manu dans le 6-9, vous pouvez la télécharger, elle est gratuite, c'est pour vos smartphones et vos tablettes. 6h50, juste après Vita et Claudio Capéo, les amis. On vous invite pour assister au Energy Music Tour à Disneyland Paris le 23 juin. Dadju, Kongs, Kenji, Offenbach, Amir, Vita, elle sera là aussi. Bon réveil sur Energy. Comme on se couche, on se lève. Regarde ce qu'ils nous ont fait. Elles veulent tirer sur nos rêves. Elles le font pour de vrai. Le mal ne connaît pas la grève. Le mal est dans les têtes. Les petits préparent la relève. Pendant qu'on cherche la paix, ce monde n'a plus d'âme. Ce monde n'a plus d'âme. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus de cran. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Soudainement je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'éteignent. On est tous des mères. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Demandez-moi un peu de rêve. J'ai plus grand. Je cherche la paix. Je cherche la paix. Le choix c'est marche ou crève. On veut juste exister. Ils ont peur qu'on s'élève. Comme ça vous négligez. Et toutes nos séquelles que rien ne peut réparer. Dis-moi des pensées hein, c'est lequel qui dit la vérité. Ce monde n'a plus d'âme. Ce monde n'a plus d'âme. Je crève. J'ai plus grand. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'éteignent. On est tous des mères. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Demandez-moi un peu de rêve. J'ai plus grand. Je cherche la paix. Ils veulent nous contrôler. Ils veulent nous faire taire. Je cherche la paix. Tout miser pour toucher nos rêves. Je cherche la paix. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus grand. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'éteignent. On est tous des mères. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus grand. Sur Énergie, il est 6h52. On va doubler votre salaire. C'est à 7h05. On va s'écouter le dernier Aya Nakamura. Et attention, on vous envoie, oui, pluie de cadeaux. Ah ouais. On vous envoie au Énergie Music Tour à Disneyland Paris dans quelques secondes. Avant ça, une info téléchargement illégal. Ouais. Selon un sondage qui est sorti hier, un internaute français sur 4, ça fait 12 millions de personnes, avoue télécharger illégalement des séries. Oh, c'est pas bien. La plus téléchargée, c'est The Walking Dead. Ah oui. Ah ouais. Un internaute sur 4. Et ce qui est marrant, c'est que quand on en parle, le français sur 4, c'est jamais nous. Ouais, c'est ça. Oh, c'est un cousin. Ouais. C'est dingue. Mais quel brigand, ces cousins. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Allez, 6h53, on a un beau cadeau pour vous. On vous envoie au Energy Music Tour. C'est à Disneyland Paris, le 23 juin. Il y aura Dadju, il y aura Kungs, il y aura Kenji, il y aura Offenbach, il y aura Amir, il y aura Vita, il y aura Cecilia Krull. Ça fait du beau monde. Ouais, c'est dingue. Transport et hébergement pour deux personnes inclus. On vous envoie là-bas grâce à la phrase Énergie. Si vous êtes inscrit sur énergie.fr ou sur l'appli Énergie, eh ben c'est peut-être maintenant vous que je vais appeler. Quand je vais vous demander quelle est la phrase Énergie, il faut la répéter mot pour mot. Je veux mes places pour le Energy Music Tour à Disneyland Paris. C'est pas compliqué. C'est parti. J'appelle l'un ou l'une d'entre vous. Je veux mes places pour le Energy Music Tour à Disneyland Paris. Attention. Sur la musique de K2000. Oui. Allô. On appelle. Allô, c'est Anaïs. Allô. Oui. Anaïs, bonjour, c'est Manu d'Energy. Salut Manu. Salut Anaïs, ça va bien? Ça va et toi? Écoute, pas mal depuis cette soirée un peu dingo d'hier soir. Anaïs, je t'appelle ce matin parce que tu t'es inscrite sur energie.fr pour jouer à la phrase énergie. T'as eu raison, mais attention, maintenant concentre-toi. Je te demande mot pour mot de me répéter la phrase énergie du moment. Je veux mes places pour l'Energy Music Tour à Disneyland Paris. Eh ben, tu les as. Oui. Anaïs, le 23 juin, tu seras à Disneyland Paris avec la personne de ton choix et tu assisteras au Energy Music Tour. Il y aura Dadju, il y aura Kungs, il y aura Offenbach, il y aura Amir, Claudio Capeo, Vita, il y aura Kenji. Tu vas assister à cet énorme concert, Anaïs, et tu ne seras pas seul. Tu seras avec la personne de ton choix et tu n'assisteras pas qu'au concert. Transport, tu habites où, Anaïs ? À Marseille. Eh bien, Marseille, jusqu'à Disneyland Paris, c'est offert. Et à Disneyland Paris, l'hébergement, c'est offert aussi. Waouh. Reviens. Ah, je suis trop contente, merci Énergie. Eh bien, merci à toi d'être là chaque matin avec nous, on t'embrasse fort. Bisous. Belle journée, 6h55, on revient dans 5 minutes avec le nouveau Aya Nakamura. Oh, Dadja, y'a pas moyen, Dadja.

contrôle technique s'il vérifie votre pare-brise, c'est pas pour rien, non? Alors, si vous avez un impact, venez le faire réparer chez Carglass avant qu'il fissure. Et jusqu'au 30 juin, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre le nouveau contrôle technique dans les centres Décra et Norisco. Profitez-en, faut pas rater ça! Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est pile 7h, qu'on amène le coq. Chante des coqs. Dans 5 minutes pile, on double votre salaire, on va s'écouter le nouveau Aya Nakamura. Avant ça, c'est les infos. L'actu sur Paris et Île-de-France avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Décidément, on ne s'en sort toujours pas. La météo reste donc très perturbée. Beaucoup de pluie sur l'ensemble de la France. Heureusement, quelques régions devraient quand même passer entre les gouttes. Les côtes de la Manche, mais aussi les bords de Méditerranée avec un ciel assez dégagé et donc ensoleillé. Des orages attendus aussi sur la Nouvelle-Aquitaine et les Alpes. Les températures en baisse cet après-midi. 17 degrés à Aurillac, 18 à Metz, 20 à Laval. Et donc pas d'amélioration, au contraire, on reste la tête sous l'eau encore ce mardi, notamment pour une grosse vingtaine de départements. Deux zones en fait sont en vigilance ce matin, dans le nord tout d'abord, sur un axe Mayenne-Ardennes, en passant par l'Île-de-France, mais aussi dans le sud-ouest, vers les Pyrénées jusqu'aux Landes. Beaucoup d'inondations, de routes impraticables, soyez très prudents, ça ira mieux normalement à partir de demain. L'image de la nuit, c'est la poignée de main entre Donald Trump et Kim Jong-un, une première dans l'histoire. Jamais un président américain n'avait échangé de façon aussi apaisée avec un dirigeant de Corée du Nord, un pays considéré comme une dictature. Les deux hommes sont à Singapour afin de parler de l'arsenal nucléaire nord-coréen. La grève à la SNCF, reprise du mouvement des cheminots ce mardi avec un trafic un petit peu plus perturbé que la semaine dernière. Ça nous donne donc environ 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2, 2 intercités sur 5 au programme. Et puis si vous allez vers l'étranger, la moitié des trains sont maintenus aujourd'hui. Retour à la normale jeudi matin. Il y a une vie après le bac. Dans un sondage hier, 26% des étudiants français avouent regretter leur choix de filière dans le supérieur. Concernant le boulot, ils souhaitent avant tout se rendre utile, même si l'épanouissement personnel et le salaire sont très importants. Dans l'immense majorité des cas, les sondés reconnaissent l'influence des parents, mais aussi de leurs conseils dans l'évolution de leur carrière. Le sport, le foot, un anniversaire, celui de la victoire des Bleus lors de la Coupe du Monde en 1998. 20 ans après, toute la bande se retrouve donc ce soir à Nanterre pour affronter une sélection des meilleurs joueurs internationaux de l'époque. Sur le terrain, on verra donc Zidane, Blanc, Barthez, De Saïd, Djorkaeff, mais aussi le Brésilien Roberto Carlos ou encore Samuel Eto'o, le Camerounais. 30 000 spectateurs sont attendus pour cette rencontre diffusée sur TF1. Les gamers ont leur rendez-vous. C'est l'E3 qui s'ouvre aujourd'hui à Los Angeles, un événement au cours duquel les grandes marques annoncent leur prochaine sortie jeux vidéo. Celle de la suite d'Assassin's Creed, par exemple. Les Français d'Ubisoft en ont déjà dévoilé une bande-annonce inédite il y a seulement quelques heures. Et puis, pas encore vraiment de bande-annonce, mais au moins un teaser. Netflix vient de dévoiler quelques images de la 6e et dernière saison de sa série House of Cards. Sans Kevin Spacey, rattrapé par un scandale de harcèlement sexuel, ces épisodes seront mis en ligne plus tard dans l'année. 7h03, c'est la fin de ce flash. On est le mardi 12 juin. Très bon réveil, très bonne matinée, souvent les pieds dans l'eau malheureusement. On retrouve Manu dans le 6-9 pour essayer d'égayer un petit peu cette journée. Chaque matin, nous sommes le 12 juin, c'est mardi aujourd'hui, soyez les bienvenus, on va s'écouter Aya Nakamura, ça va arriver. Juste avant, on va doubler votre salaire, comme chaque matin, 7h05 et 8h05, deux fois par jour, on double votre salaire. Aujourd'hui, on est le 12 juin, il y a une journée mondiale, journée mondiale contre le travail des enfants. C'est-à-dire une journée pour dire non aux enfants qui travaillent. Je précise, pour les enfants qui nous écoutent, réviser ces leçons n'en fait pas partie. On se met bien d'accord. C'est contre le travail des enfants pour du travail d'adultes. On fait ses devoirs aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, ne restez pas chez vous en disant je vais pas à l'école. Ça ne marche pas. 7h05, les amis, on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Energie.fr, manudansle69.com ou sur l'application manudansle69, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Et tous les matins, on vous appelle pour doubler votre salaire, 7h05 et 8h05. Michael habite Moselle, il a 35 ans, il touche chaque mois 1300 euros. Moselle, c'est dans le Puy-de-Dôme. Michael, on t'appelle maintenant pour doubler ton salaire. Allô. Allô, Michael, de Moselle dans le Puy-de-Dôme. Oui. C'était juste pour vérifier. On vous souhaite une bonne journée. Oh. Non. Ah oui, il y a eu un truc, il y a eu un électrochoc dans le cerveau. Michael, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? Manu sur Énergie. Et Mickaël, oui, tu t'es inscrit, peut-être que t'y croyais pas, peut-être que t'es dit ça va jamais m'arriver, je le fais quand même, on verra bien. Et ben bim, Mickaël, ça tombe sur toi ce matin, 1300 euros x 2, ça va faire 2600 euros pour toi. Oh putain, ça c'est cool. Ouh, ça sent le truc qui t'arrive comme ça, genre le waouh, le miracle. Ah ouais. Mickaël, 2600 euros, on va te doubler ton salaire, tu es climaticien automobile. Oui, c'est ça, ouais. C'est-à-dire? Je répare les voitures, hein, les climatisations des véhicules. Tout ce qui roule, c'est je répare la climatisation des véhicules. Ah, pour que les gens aient froid à l'intérieur. Mais tu t'y connais en voiture ou juste en clim? En clim et en voiture. Sympa. T'es d'accord que la clim, ça rend malade? Non, pas du tout. D'accord. Les gens ne savent pas régler la clim. Bim. Alors, bah, il défend son job, hein. Oui, hein, ouais. Alors, Mickaël, autre question sur la climatisation. On dit, enfin, certaines personnes disent que c'est mauvais pour la planète. Non, pas du tout. Ok, mais il faut un argument derrière. Ouais. Non, pas du tout. Ce n'est pas mauvais pour la planète. La seule chose qui est mauvaise, c'est tous les gens malhonnêtes qui dégazent leur véhicule dans la nature. Qui dégazent leur véhicule, c'est quoi ça? Ouais, qui ouvrent les tuyaux ou qui laissent partir le gaz dans la nature. Le gaz de quoi? Le gaz frigorigène. Ouais. Ah. Oh, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Moi, ouais. Donc, ça conseille même pas où est le liquide lave-glace, donc le, le truc de la clim. Comment j'ai, te dire déjà, j'ai du mal. Je me demande comment j'arrive à la démarrer la voiture. Alors, pour aller trouver le gaz de la crèche. Ouais. Et Mickaël, tu tombes bien. J'ai donné une réponse moi, claire, nette, précise, sur une question que je me pose depuis longtemps. Est-ce que c'est le conducteur qui choisit la température de l'habitacle, même si tous les autres passagers ont froid? Est-ce qu'il faut que le conducteur soit bien? C'est comme qui choisit la musique, ça. Ouais, mais le conducteur, il faut qu'il soit bien. Qui choisit la température dans la voiture, Mickaël? Le conducteur qui choisit la température dans la voiture. Ah ouais. Merci, Mickaël. Allez, rigole pas, là. Ah, il défend bien son métier, Mickaël. Ah bah, ouais. Effectivement, là, tu maîtrises vraiment. Là, c'est sûr que t'es climaticien automobile. Hein. Tu ne l'as pas fait à l'envers, là. Non, mais moi, ça fait presque 10 ans que je fais ça. Ah bah, écoute, ça se sent. Ah bah là, c'est plus un hobby. C'est plus un métier. C'est une way of life. Il dort avec une clim dans le lit. Hein, Mickaël, on te double ton salaire. 2600 euros, ça arrive très vite pour toi. Merci. Merci à toi d'être là chaque matin avec nous. Et vous aussi, ça peut vous arriver. Energie.fr, Manu dans le 69.com ou sur l'application Manu dans le 69. 7h05 et 8h05, on vous double votre salaire. Tout de suite, c'est Aya Nakamura sur Energie. Bon réveil. Aya Nakamura, elle a pas pu mes kibaza. J'entends des bails à trois sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu es le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. ta. Encore t'en as baby. Encore t'en as baby tu de ta. Encore t'en as baby. Oh ja ja. Oh ja ja. Oh ja ja. Bienvenue sur Énergie, il est 7h10, on va s'écouter Z. Why don't you just meet me in the middle? Yes. Là, c'est bien pour démarrer la journée. Oui, c'est cool. Même si vous êtes sous la pluie, ça fait du bien. Ouais. Avant ça, j'ai trouvé sur le site Reddit, qu'un site que j'adore, c'est un énorme forum mondial. Si vous ne connaissez pas et que vous ne savez pas quoi faire pour glander au boulot, allez sur ce site. Ouais. Reddit, c'est R-E-D-D-I-T. Il y a eu cette question. Qu'est-ce qui n'était pas si compliqué que ça à faire? C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, oh là là, pas que je fasse ça, c'est hyper dur. Ouais. En fait, on fait. Et après, bon, on s'aperçoit que non, c'était pas si compliqué que ça. Okay. Okay, ouais. En réponse, il y a eu par exemple construire moi-même un ordinateur. Mais c'est dur ça, non? Et ben non, c'est pas si compliqué que ça, j'en ai fait plein moi. Ah, un ordinateur? Ouais, ouais, ouais. Ah, bah, je suis pas beaucoup sorti hein, quand j'étais. Mais comment? Mais tu construis ton PC, t'achètes les éléments séparés. Ah ouais? Eh oui. Ah ouais. Ensuite, il y avait aussi réparer une voiture. Là, ah ouais, j'avoue. Alors ça, non. Ouais. Et il y avait cuisiner. C'est pas si compliqué que ça à faire. Bah, il suffit de se lancer. Voilà. C'est ça. Quelle est donc. Voilà la question que je vous pose. Qu'est-ce qui n'était pas si compliqué que ça à faire pour vous? 0-870-42-48. Vous pensez que c'était dur? Vous l'avez fait? Après, vous avez. Oh, c'était pas si compliqué que ça. Dans le même style que réparer une voiture, t'as changé la roue. Là. Changer une roue, c'est pas si compliqué finalement. Alors, on se plante tous la première fois. Ouais, voilà. Mais une fois que t'as compris qu'en fait, avant d'enlever les boulons de la roue, il faut pas soulever la voiture. Voilà. Parce que c'est le premier truc que tu fais, c'est utiliser le cric là pour justement l'aider. Ah ouais, c'est trop bien ça. Exactement. Ouais, mais en fait, voilà, il faut pas le faire. En fait, quand on change une roue, si vous l'avez jamais fait, ne faites pas ça l'heure qu'on a tous fait. Il faut pas soulever la voiture avant de desserrer les boulons. Parce que sinon, tu mets le truc pour desserrer les boulons et la roue, elle tourne avec toi. Bah ouais. Oui, donc il faut qu'elle reste sur le sol pour desserrer les boulons et ensuite on monte la roue. Et une fois que t'as compris ce truc-là, t'as envie de changer les roues de toutes les voitures. Putain, je sais faire. Laissez-moi, non, mais en retard. Non, il a besoin d'aide. Qu'est-ce que vous pensiez compliqué? Vous l'avez fait et après vous avez dit, bah non, c'était pas si dur que ça. Paulette? Embrasser avec la langue. Ah ouais. Moi avant j'avais trop peur, je me disais mais attends, techniquement comment on fait, c'est hyper compliqué, est-ce qu'il faut se décoller, à quel moment il faut tourner, tu machin. Tu te poses tellement de questions. Mais alors qu'en fait quand tu le fais, bah ça roule quoi. Ouais. Oui c'est ça. T'es presque déçu. Oui c'est ça. C'était si facile que ça. C'est que ça. Si j'avais su, je l'aurais fait depuis des années. Et là c'est comme les roues quoi, une fois que tu sais faire, t'as envie de le faire avec tout le monde. Enfin il y a deux écoles là après. Ouais, si tu peux le faire quoi. Qu'est-ce que vous pensiez compliqué, vous l'avez fait et en fait au final vous avez dit bah non, c'est pas si dur que ça. 0-870-42-48, vous pouvez nous appeler ou sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9. On revient tout de suite avec The Middle, c'est Z sur Énergie. Manu dans le 6-9. Manu sur Énergie. Énergie. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love. Cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up. I'll tell you why. You say. When my best friend caught you creeping, you blamed it all on the alcohol. So I made my decision, cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love, so you can try all. Time is up, I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. Well, boy, I don't give up. I see you trying to get to me. I see you begging on your knees. Boy, I don't give up about you. tell you why. I'll tell you why. You say I'm not sorry. Bonjour, c'est Christian Carambeu. Et maintenant, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Christian Carambeu qui était dans l'équipe de France 98, évidemment. Ouais. Alors attention, si vous aimez le foot et si vous avez envie de revivre des moments incroyables, ce soir c'est l'événement sur TF1. Mais oui. Ouais. Ils ont appelé ça le match des légendes. L'équipe de France de 98 jouera contre une équipe des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde de 98. C'est énorme. Genre c'est équipe de France contre le reste du monde. Il y aura même Aimé Jacquet. Génial, ouais, trop bien. Trop cool. Il jouera pas, rassurez-vous. Il sera... je pense que si vous aimez le foot, vous allez adorer. Ouais. Si vous n'aimez pas le foot, eh ben on vous souhaite un bon resto. Il est 7h17, les amis, c'est le moment de l'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. Tous les matins, Georges appelle un peu partout en France des gens pour leur dire tout simplement des vérités. Mais Georges ne met pas tout le temps le ton et donc du coup il est un petit peu embarrassant, parfois il est même insupportable. Ouais. Aujourd'hui, il appelle une dame pour lui dire qu'elle ne fait pas assez de sport. Aïe, aïe. Mais c'est pour son bien, il faut faire du sport. Mais il n'a pas la bonne façon de le dire. Écoutez. Oui. Bonjour, ceci est un message automatique. Bonjour. Quelqu'un a pensé que vous devriez le savoir. Vous ne faites pas assez de sport. Ah oui. Il existe différents sports adaptés à vos besoins. Ben oui, bien sûr. Faire du sport vous rendra plus endurante au lit. Oui, aussi. Vous vous empêtez. Et du coup, je vais vous dire d'aller vous faire foutre, mais alors bien dans le cul, hein. Il l'a cherché. Automatique de Georges. Manu dans le 6-9. C'était court mais précis. Au début on se dit elle est trop mignonne. Ouais. Mais derrière la mignonne se cache une tigresse. 7h18, Z sur Énergie. Take a seat. Right over there. Sat on the stairs. Stay or leave. The cabinets are bare. And I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me close. I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Oh, take a step back for a minute into the kitchen. Floors are wet and taps are still running. Dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me? Why don't you just meet me in the middle? Bienvenue sur Énergie, il est 7h20. On va écouter Drake juste après les infos de 7h30. Et tout de suite, on répond à cette question simple. Quelle est pour vous la chose qui n'était pas si compliquée que ça à faire? Vous disiez, mais ça c'est un enfer, je ne vais jamais réussir à le faire. Eh ben si, vous y êtes arrivé. Ouais. 0 870 42 48, vous nous appelez sur Twitter. Il y a Charlotte qui nous dit, le naturisme, je me suis jeté à l'eau il y a 3 ans. Et en fait, psychologiquement, on est tous à égalité. Ah ouais, oui, essayer. Mais faut se jeter à l'eau. Hein. Ouais. Ouais. Il faut qu'il y ait un gros côté psychologique quand même. Wow. Parce que sinon, niveau physique, c'est vrai qu'on n'est pas. Bah, on n'est pas au top, non. Ouais. Non, je me demande même si Dieu il veut qu'on fasse du naturisme. Clément, il dit apprendre la guitare, j'ai appris Wonderwall d'Oasis et ça fait le job en soirée. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Et puis vous êtes dit, c'était pas si compliqué que ça. Flavie, bonjour. Oui, bonjour Manu, salut les wouins. Bienvenue sur Énergie, Flavie, on t'écoute. Merci. Eh bien moi Manu, j'ai dû attendre 25 ans avant de pouvoir prendre l'avion. Et en finale, bah, une fois que t'es dedans, tu n'as plus rien d'autre à espérer que de ne pas mourir. Voilà. Oui. Mais c'était pas si dur que ça quand même, rassure-nous. Oui. En finale, une fois que tu reviens, non, tu te dis, c'était pas si compliqué, quoi. Bah non, hein, c'est-à-dire qu'une fois que t'es dans l'avion, de toute manière, t'as pas le choix. Tu ne peux pas le piloter. Ouais. Tu ne peux pas changer. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas descendre à la corde, tu ne peux rien faire. Donc il faut accepter et te laisser porter. Ouais. Voilà. T'en es revenu, Flamy. Tout va bien? Oui, tout va bien. Tout va très bien. Oui, j'en suis revenu. On souhaite une belle journée. Merci de nous avoir appelé. Qu'est-ce qui t'est pas si compliqué que ça à faire? Repeindre un meuble. Il suffit d'avoir le bon matériel et de la patience. Mais si par contre tu veux brûler une étape, c'est fichu. Ah ouais. Il faut faire le ponçage, le truc, le machin. Bref, il faut pas brûler d'étape. Il faut être patient. Okay. Mais c'est pas si compliqué. Ah ouais. Très bien. Je te laisse repeindre les meubles. Mais moi, c'est pas du tout mon truc parce que je me suis rendu compte que c'était plus cher d'acheter un meuble et de le repeindre que d'acheter un meuble peint. Mais le problème, c'est que t'as besoin de tous les éléments. T'as besoin d'acheter la peinture, tu te trompes tout le temps la première fois que tu l'achètes. Puis t'en mets partout, tu détruis peut-être le lino. Enfin bon, c'est chiant, moi j'ai lâché à faire. Hein. Oh, très bien. Tu sais quoi, la solution, c'est prenez des meubles en carton. On a Tiffaine qui est avec nous. Bonjour Tiffaine. Salut Manu, salut les wouins. Bienvenue sur Énergie, Tiffaine. Quelle est la chose que tu as faite? Tu stressais, tu t'es dit à la fin, c'était pas si compliqué que ça. Bah moi c'était changer les toilettes, mais il fallait juste penser à couper l'eau. Aïe. Ah mais attends, t'as changé carrément toutes tes toilettes? Ouais. Et j'ai commencé à avoir de l'eau et je me suis rendu compte de la bêtise, donc j'ai vite coupé l'eau et puis voilà. Et puis maintenant c'est bon, j'ai des toilettes toutes neuves. C'est pas compliqué à faire, les tuyaux et tout ça. Non, ça va, ça a été. T'as déjà, moi, pour changer la lunette des toilettes, je fais 4 allers-retours chez Casto parce que c'est pas à bonne taille. Alors, les toilettes, non, je serais capable d'installer une armoire à la place, moi. Ouais, puis moi, les toilettes, j'aurais trop peur de les enlever, tu sais, d'être bloqué au milieu, quoi. De plus arriver à remettre les nouvelles. Tu fais comment? Et tu sonnes chez le voisin, dis donc. Ouais, vous ne devinerez jamais pourquoi je viens sonner votre porte. Exactement. Merci de nous avoir appelé, Tiffaine. Belle journée à toi. Sur Twitter, il y a Stéphanie qui dit le saut en parachute, le bonheur est tellement immense que quand t'es en l'air, ça efface tout le reste. Ouais. Wow. L'horreur. Quelle est la. Bah, pas pour elle. Ah, trop dur. Quelle est. Bah, pas pour elle. Quelle est pour vous la chose qui n'était pas si compliquée que ça à faire? Glandu. Moi, c'est un nœud de cravate. Ça a l'air ultra compliqué comme ça, un nœud de cravate. Et en fait, si tu suis un bon tuto sur internet pas à pas, en fait, ça passe. Ouais. Ça passe. Ah ouais? Ouais. Bah, après, une fois que tu l'as fait, ça dit tu le défais plus. Hein. Faut pas déconner, quoi. Non, mais après, c'est simple. Et là, il y a quelqu'un qui arrive et qui t'enlève le nœud de cravate et fait putain, non! C'est ça. Lara, bonjour. Bonjour Manu, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Énergie, Lara. On t'écoute. Qu'est-ce qui était pas si difficile que ça à faire? Eh ben écoute, moi c'était le permis de conduire parce que ma mère elle l'a quand même raté 5 fois et je m'étais fait tout un monde et finalement j'ai eu du premier coup trop facile, c'est juste ma mère qui est pas douée. Ah, elle a pas tort en même temps. Maman. On pourrait en parler des heures de ta mère Lara. Mais bon, les gens nous écoutent. Merci de nous avoir appelé, on t'embrasse fort. Moi le truc que je pensais pas si compliqué que ça à faire, c'est mon barbecue. Ah ouais, j'ai monté mon barbecue de A à Z en faisant une dalle de béton, en mettant des parpaings et tout ça. Ouais, et à la fin, j'ai dit, c'était pas si compliqué que ça à faire. Mais là où un mec met environ une semaine à le faire, j'ai mis un an. Oui, c'est ça la différence. Mais tu l'as quoi. Mais je l'ai. Ouais, j'imagine que si je veux faire une maison, il faudra que mes enfants la finissent du coup. Et 7h25, on vient tout de suite. Avec Drake. C'est juste après les infos, il est 7h25. Soyez les bienvenus, c'est Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30. Sur Énergie. Venez dans les studios d'Énergie. À la rencontre de Camila Cabello. Salut, c'est Emery. Camila Cabello sera avec moi dans mon studio.

Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 7h31, nous allons rentrer dans le petit train des questions dans 2 minutes, ce sera juste après les infos. On va écouter Kenji et il y aura aussi Drake. Toute l'actu sur Paris et Île-de-France avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Encore une grosse vingtaine de départements en vigilance ce matin. La faute à cette pluie qui tombe très fort sur une bonne partie du pays. On va y revenir en détail. Beaucoup d'humidité donc en Corse aujourd'hui. Sur l'ensemble de la France ou presque, les côtes de la Manche, la Méditerranée seront épargnées tout de même avec du grand soleil. Les températures en chute libre cet après-midi. Il ne fera que 17 degrés à Sedan, 19 à Sarlat, jusqu'à 23 tout de même à Montpellier. Plusieurs régions sont donc en alerte ce matin. Après ce qui est tombé dans la nuit, c'est pas étonnant. On attend encore beaucoup de pluie d'ailleurs jusqu'en milieu de matinée sur l'île de France, les Ardennes ou encore la Mayenne. Même chose, mais jusqu'à ce soir, cette fois dans le sud-ouest et les Landes, jusqu'aux Pyrénées. C'est très compliqué de conduire sur des routes gorgées d'eau. Beaucoup d'inondations également, ça ira mieux à partir de demain. Le trafic est perturbé à la SNCF, rien d'étonnant non plus, puisqu'on entre dans le 15e épisode de grève en 2 mois pour les cheminots. La situation est un petit peu plus compliquée que la semaine dernière pour les usagers. Environ 2 TGV sur 5, 1 TER sur 2, 2 intercités sur 5 en circulation. Fin du mouvement jeudi matin. Un couple improbable, Donald Trump et Kim Jong-un sont apparus souriants cette nuit lors de leur rencontre à Singapour. Ils se sont même serré la main chaleureusement, une première entre un président américain et un dirigeant nord-coréen, pays considéré comme une dictature. Ils ont parlé de l'arsenal nucléaire militaire développé par la puissance asiatique. Ils ont fait rêver la France. Les Bleus, vainqueurs du Mondial en 98, se retrouvent ce soir à Nanterre. Ils vont fêter les 20 ans du sacre. Au menu, un match amical face de grands internationaux étrangers de l'époque. Ça nous donne donc Zidane, Barthez, Desailly, Pires, Roberto Carlos ou encore Samuel Eto'o sur le même terrain. À voir dès 21h. Et puis concernant les Bleus, les vrais cette fois-ci, ils sont arrivés il y a 2 jours en Russie et ils ont eu leur premier entraînement hier sous la pluie eux aussi. Premier match de la Coupe du Monde samedi contre l'Australie pour la France. C'est un tout petit bout de femme qui a su séduire l'Amérique. Après avoir été nommée aux Grammy Awards en janvier pour son clip Makeba face à Jay-Z et Kendrick Lamar, Jane est de retour chez nous avec son nouveau single All Right. Et la Toulousaine va encore sillonner les festivals cet été avec du nouveau sur scène. Elle a désormais un petit gadget pour être plus libre face au public. J'étais seule sur scène au début du premier album, de la tournée du premier album, et après j'ai eu des musiciens vers la fin de la tournée. Et là je suis retournée toute seule, mais avec d'autres, des nouvelles machines, avec notamment un avant-bras qui me permet de tout contrôler, de contrôler mon ordinateur, etc. Donc c'est vraiment hyper pratique parce que je suis plus du tout bloquée derrière mes machines, ce qui m'embêtait un peu. Et là je suis vraiment libre de me balader un peu partout sur scène. Ça reste assez discret parce que c'est aux mêmes couleurs que ma combinaison, donc du coup ça va. Ça fait juste un peu Avenger. Voilà pour cette interview signée Emily Dez. Pour la retrouver, rendez-vous au Solidez, au Vieille Charrue ou encore au Paléo Festival. Le programme est chargé. 7h34, fin de ce flash. Bon réveil, bonne journée sur Énergie. On est là avec vous comme chaque matin, 7h34. Si vous êtes sous la pluie, pas de panique. De panique, vous restez tranquillement chez vous, on s'occupe de tout. Enfin, on s'occupe de ce qu'on peut. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on va y couper. Voilà. Ouais. Puis on est à la radio, en fait, on peut pas faire grand-chose par vous. Il faut que parfois avouer qu'on ne peut pas faire tout. Ouais, c'est ça. Papa n'est pas Dieu. Voilà. Oui, mais on peut vous envoyer de la bonne humeur. Et ça, c'est sympa. Mais oui. Carrément, sur Énergie, la bonne humeur. Ouais. Paulette est restée bloquée dans les années 90, mais c'est pas grave. On est avec vous pour démarrer cette journée. On est le 12 juin aujourd'hui, c'est mardi. On va s'écouter Drake dans 2 minutes. Mais avant ça, attention, nous allons rentrer comme chaque semaine dans le petit train des questions. Yes. Le petit train des questions, c'est très simple. C'est un petit train qui n'est pas très grand, dans lequel il y a des questions. Nous rentrons dedans, je vous pose des questions et vous y répondez. Et oui, c'est clair. Je ne peux pas faire plus simple que ça. Mais là, vous pouvez me dire, mais pourquoi le petit train des questions? Aucune idée. Première question du petit train des questions. Ouais. Quelle est la meilleure réponse à la question « Tu m'aimes fort comment ?» Oula. Ça. Attention. C'est tellement une question... Elle est lourde. Mais oui, c'est-à-dire qu'il faut en pas. Conséquence. Il faut pas se planter. Ouais. Eh ouais. Tu vois, si tu dis un peu. Oh là là. Ouais. Tu m'aimes fort comment? Quelle est la meilleure réponse à cette question? Il y a aucune réponse parfaite en fait. Il faut faire attention à ça. Il faut se trouver. Ouais. Voilà. C'est ça aussi le petit train des questions. Ouais. Un bon moment de galère. Quelle est la meilleure réponse à la question? Tu m'aimes fort comment? Deuxième question du petit train des questions. Question pour les filles. Ouais. Et on fera la même question pour les hommes la semaine prochaine. Okay. Ouais, ok, d'accord. Vous pouvez assembler une armoire IKEA avec une célébrité. Vous choisissez qui et pourquoi. Qui sera la meilleure célébrité pour monter une armoire IKEA? Ouais. Moi, j'ai choisi Bradley Cooper parce que les meubles IKEA, je sais très bien les monter. Donc, je choisis juste le plus beau gosse pour m'aider. Comme ça, je me rince l'œil. Ah ouais, c'est une réponse. Ouais, ça, c'est troisième question du petit train des questions. Qu'avez-vous déjà fait par vous-même qui vous a fait penser? Bon, la prochaine fois, je le ferai faire par un professionnel. Oui. 0870 42 48, vous nous appelez maintenant. C'est le petit train des questions, le temps que vous nous appeliez. Et dans 10 minutes, eh bien, on prend vos réponses. 7h36, ça veut dire que dans 5 minutes, les amis, on joue au jeu des 5 mots. Ouais, le cool. Meilleur jeu radio du monde. 0870 42 48, on joue dans 3 minutes. On vous offre la console de votre choix et l'écran télé qui va avec. Trop classe. Yes. La console de vos rêves, elle est pour vous dans 3 minutes sur Energy. Après Drake. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. Tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, no. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E. And still bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dawg. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, ayy, nope. Ay. Someone watching this shit close, yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Road, ayy. Might go down as G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, hey, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah. Yeah. Bad things, it's a lot of bad. That they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Bienvenue sur Energy, il est 7h40, il y a Kenji qui arrive le nouveau. Maria, Maria, Maria. Ah ouais. Dis-moi ce que tu veux faire. Ah c'est bien ça. Ah ouais. On va danser. Ouais. Je parle comme ça quand je l'ai dit, on va danser. Ouais. Le nouveau Kenji, ça arrive pour vous dans 2 minutes, mais avant ça, attention. Nous allons jouer au meilleur jeu radio du monde, c'est le jeu des 5 mots. Cool. Et alors je vous ai annoncé une console de jeu à gagner aujourd'hui avec l'écran télé qui va avec, mais j'ai mieux que ça. Ah ouais. Ah ouais. Écoutez bien, je vais vous offrir 1 200 €. Wow. Oh. C'est offert par Objectif Code. Mmh. Vous pourrez les utiliser pour passer le code et le permis. Oh, oh, génial. C'est génial ça. On a Jimmy avec nous au téléphone. Bonjour Jimmy. Oui, bonjour Manu, bonjour les moins. Jimmy, ben on est bien, on est heureux, on est content Jimmy. Ouais. Est-ce que t'as ton permis? Moi aussi, je suis très content d'être en ligne avec vous. Hein. Et ben est-ce que t'as ton permis de conduire Jimmy? Non, j'ai pas mon permis de conduire et du coup ça serait vraiment un super cadeau. Alors écoute bien, ah ouais. 1 200 € offerts par Objectif Code. Ça pourra t'aider à passer le code et le permis. Ah, attention, oui, Jimmy, le jeu des 5 mots c'est très simple. Quelqu'un d'abord de l'équipe va sortir du studio. D'accord. Paulette. Ok, cool. Allez, Paulette. Entre gens qui n'ont pas le permis. Ils peuvent céder. Hein. C'est vrai que c'est pas le meilleur truc du coup, mais c'est pas grave. Ça n'a pas de rapport. Attention, les règles sont simples. Paulette est sortie du studio. Elle est dans le couloir. On n'entend pas ce qui se passe. Je vais te donner 5 mots, Jimmy. Après chaque mot, tu me donnes le premier mot qui te vient à l'esprit. Ensuite, je fais revenir Paulette. Je fais pareil avec elle. Et dès que vous avez un mot en commun, c'est gagné. Ok ? Ça serait trop bien. Alors okay, concentre-toi, c'est parti. Ah oui, je me concentre. On joue au jeu des 5 mots. Symphonie. Musique. Blé. Céréales. Vidange. Huile. Trompette. J'aurais dit musique aussi. Tu peux le dire, tu as le droit. Ouais, moi musique. Baobab, là si tu dis musique c'est chelou. Baobab, j'aurais dit bar. Baobab, tu dis bar. Bar, il y a un bar qui s'appelle Baobab. Ah oui, il faut le connaître quoi. Ouais, il faut connaître, ouais, je pense que celui-là le fera pas. Ah voilà. Génial. Le Baobab, autant en parler, le Baobab bar, c'est dans quelle ville? Moi, je suis à Toul, en fait. À Toul. D'accord, le bar. C'est sur Nancy. À Toul. D'accord, ok, le bar est à Nancy. Mais non, mais je pense qu'il connaît Paulette. Et Paulette connaît tous les bars de France. Ouais, quand même. C'est surtout ça. Non, elle connaît tous les patrons de bars pour avoir des réductions. Est-ce qu'elle connaît les noms des bars? Ah, la pauvre. Attends, est-ce qu'elle connaît les noms des bars? Eh ben, on va le voir tout de suite. Ouais, si elle donne la réponse, alors là, franchement, je peux arrêter ma carrière. Attention, Paulette est de retour. J'ai l'impression que c'est passé plein de trucs à vos têtes. Non, c'est ok. Honnêtement, Jimmy a été excellent. Ouais, c'est vrai. Et sur le dernier mot, il s'est lâché. Okay. Ouais, une belle bêtise. Attention. Parce que celui-là, ça va pas le faire. Ah. On joue au jeu des 5 mots. C'est parti. Un mot en commun et c'est gagné pour Jimmy. Symphonie. Musique. Et ben voilà. Oh je suis trop content. Tu peux être content. Et en plus, vous savez quoi, hier, j'ai eu une amende. Donc là, je suis copain. C'est pas moi qui ai eu l'amende, c'est ma chérie. Et du coup, ça va. Là, aujourd'hui, je me sens bien. Je suis trop content. Bah écoute, habituellement, je suis pas quelqu'un de chanceux. Et là, franchement, ça fait vraiment plaisir. Ouais, bah, écoute, ouais. Vous êtes trop bon. Mieux. Il restait 4 mots, Paulette. Ok. Blé. Orja. Orge. Non, ouais, oublie, c'est pas grave. Je suis plus là. Jimmy avait dit céréales, concentre-toi. Ouais. Vidange. Voiture. Il avait dit huile. Ah. On a perdu Paulette. Hein. Ah oui, ouais. Voiture. Trompette. Instrument. Il avait dit musique. Ah. Et enfin, baobab. Baobab. Arbre. Mais non, bar, le baobab bar à Nancy. Bah oui, bah oui. Ouais. Le baobab, c'est un bar à Nancy, tu connais pas? Ah bah non, j'y vais aller. Ah bah écoute. Il me semble en plus qu'il a fermé il y a pas si longtemps. Oh. En plus, on a l'histoire du bar, c'est génial. Ouais, voilà, ça m'est venu comme ça à l'esprit, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais bon. Jimmy, on t'offre 1 200 €, bravo à toi. 1 200 €, c'est offert par Objectif Code pour passer le code et le permis, bravo à toi. Super. Merci beaucoup, et bah bonne journée à vous en tout cas, merci. Hein. Et bah belle journée à toi Jimmy. 7h44, on va s'écouter Kenji tout de suite. Et juste après, retour du petit train des questions. Ouais. Bienvenue parmi nous, c'est Malu dans le 6-9. On démarre cette journée tous ensemble. Et ça recommence. Je lui parle d'amour que dans un silence. Mes yeux savourent son galbeuse des hanches. Entre méfiance et ce qu'elle en pense, je prends ses courbes et j'augmente mes chances. Je me demande ce qu'on fera comme folie. Dès comme des torticolis, j'entends toute sa mélodie. On y passera toute la nuit. Et comme toujours, ça recommence. Dis-moi, dis-moi, dis-moi, Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. C'est exceptionnel. Elle a peur d'avion mais veut toujours voir le 7e ciel. Dire ce que je ressens, non, ça ne vaut pas la peine. Elle me fait de scène, 8 jours par semaine. En filature, j'ai pris ses sentiments. en miniature, j'ai pris des photos d'elle. Je suis le meilleur, elle le fait que c'est impossible. Je dis à tout à l'heure, elle me dit je serai pas là. Dans son cœur, y'a quoi faire des ricochets. Il y a plus d'amour, y'a que des états d'âme. Je veux que tu meurs de moi, moi. Serre-moi contre toi, toi. Je veux que tu meurs de moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Es que María, tú me bailas de locura. La temperatura como la noche está dura. Y toda una aventura, más rica que pura. Mírame María, con tu cuerpo tú me curas. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. J'aime bien terminer les morceaux. Ça me fait plaisir. Il est 7h47. Le nouveau Ariana Grande arrive pour vous dans 3 minutes sur Énergie. Mais avant ça, attention les amis. Nous entrons dans le petit train des questions. Je vous ai posé 3 questions. Il y a une vingtaine de minutes, vous avez eu le temps de nous appeler au 0870 42 48. C'est parti, on commence. Première question. Ouais. Quelle est la meilleure réponse à la question tu m'aimes fort comment? Paulette. Moi, il y a un mec qui m'a mouché parce qu'il m'a dit plus fort. C'est impossible. Oh, facile. Ah, c'est... Oh, facile, mais c'est déjà bien. Ouais, mais à dire, c'est facile, tu vois. Ouais, bah, quoi, faut... bah, s'il le pense en plus. Ah. Alors, ça, non. Mais il faut avoir. Il faut avoir l'idée. Il faut avoir l'idée de sortir. Ouais. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire derrière ça? Bah, moi, quand on me demande, je vais. Oh, bah, c'est mignon, c'est touchant. Ah, bah, si, bah, ça, ça me va. Ouais. Nico, quelle est la meilleure réponse à donner à la question tu m'aimes fort comment? Moi, j'ai un très bon truc, moi. C'est que ma femme, elle adore les œufs. Donc, je lui dis, par exemple, je t'aime comme toi, tu aimes les œufs. Et à chaque fois, non mais c'est un petit jeu qu'on a installé, c'est hyper mignon. Et à chaque fois qu'elle me demande, je trouve des nouvelles choses. Quoi. Elle adore les patchs, fait ça. Elle adore les petits hauts, tu sais, les vêtements là. Ben je lui dis, je t'aime comme tu aimes les petits hauts. Et puis on change comme ça à chaque fois qu'elle me demande. C'est mignon. Ouais, c'est mignon. Du coup, à chaque fois, je dois surpasser. Quoi. Mais ce qu'elle te dit, par exemple, ouais, mais en ce moment, les hauts, il y a des réductions. Je t'aime comme un truc en solde. Bettina est avec nous au téléphone. Bonjour, Bettina. Coucou. Quelle est la meilleure réponse à la question tu m'aimes fort comment? Ah, la meilleure réponse moi que j'ai par mon chéri, c'est gros comme l'univers. Oh. Ça me permet de voyager. Ah ouais. Et ça marche bien les trucs gros comme l'univers. Ou alors je t'aime comme aller jusqu'à la lune et retour. À l'infini. Ouais, à l'infini de l'infini. Ouais, ouais, c'est vrai. On aime bien ces trucs-là. Glandu, dans une autre. Ouais, moi j'ai longtemps réfléchi à cette question. Et en fait, je pense qu'il faut répondre un truc un peu rigolo, mais qu'elle comprendra pas forcément. Par exemple, faut dire je t'aime autant qu'il y a de décimales au nombre pi. Tu vois, elle saura pas. Attends, on va voir si ça marche, Paulette. Donc en fait, il est pas sérieux, il me prend pour une conne, quoi. Ah. Non, mais ça prend pas. Alors tu dis non, je t'aime autant que les Indiens aiment leur vache sacrée. Ah, ça peut me toucher. Ouais, ça peut marcher, tu vois. Un truc un peu décalé. Autant quoi. Que les cow-boys aiment leur chapeau. Ouais, ça marche. Ouais. Très bien, Manu, ça. Mais bon, regarde. Vous comparez quand même la fille à une vache ou un chapeau, quoi. Bah, autant que les Italiens aiment la pizza, les raviolis. Ouais, ça marche. Le cliché, quoi. Je sais pas, j'essaie d'aider. Vous n'êtes pas fait pour ça. Ok, bon, tu sais quoi, arrêtez de nous poser la question. Merci de nous avoir appelé, Bettina. Belle journée à toi. Deuxième question du petit train des questions. Question fille. On fera les hommes la semaine prochaine. Ouais. Vous pouvez assembler une armoire IKEA avec une célébrité. Vous choisissez qui et pourquoi? On a Julie qui est avec nous. Bonjour, Julie. Salut tout le monde. Bienvenue. Alors pour moi, sans hésiter, le rugbyman Dimitri Zarzewski, hein. Il est grand, musclé, ça doit être hyper sexy, un rugbyman à l'action. Reviens. Là, t'es parti dans le calendrier des dieux du stade. Je ne sais même pas qui c'est. C'est un rugbyman connu? Ah bah oui, il est français, mais il joue en international, oui. Elle le connaît. Ah oui, elle est à fond. Il ressemble au prince charmant dans Shrek un peu. Il a les cheveux longs, il est blond, il a les cheveux longs. Voilà, c'est ça. Ah ouais, t'es amoureuse, Julie, on est d'accord, hein. Ah bah faudrait être difficile, hein. Donc on est d'accord que la question c'était avec qui vous aimeriez assembler une armoire IKEA. On est d'accord qu'au bout de deux minutes l'armoire IKEA elle n'est pas montée, hein, et vous êtes parti ailleurs. D'accord, on est d'accord. Ouais. Avec quelle célébrité vous aimeriez monter une armoire IKEA? Merci de nous avoir appelé, Julie. Paulette? Moi, Leonardo DiCaprio direct. Pourquoi? Bon, je sais pas si c'est bien monter une armoire, mais en tout cas je sais que je passe du temps avec lui. Ouais. T'imagines le selfie? Ouais. Ah d'accord, donc vraiment l'armoire, ouais. C'est, ouais, ok, donc du coup c'est nous qu'allons nous la taper. Tu passeras la montée. Ah bah voilà. Facile. T'imagines, t'es sur le paillasson devant chez Paulette, tu sonnes, t'as Leonardo DiCaprio à côté de toi. Et non, et c'est toi qui montes l'armoire. Oh merde. Attention, dernière question du petit train des questions. Qu'avez-vous déjà fait par vous-même qui vous a fait penser? Bon bah la prochaine fois, je le ferai faire par un professionnel. Allez, Nico. J'ai voulu ouvrir des huîtres, moi, pour ma femme, parce qu'elle adore ça. Moi, j'aime pas ça, tu vois, mais je vais ouvrir les huîtres. Ouais. Globalement, j'ai passé 45 minutes pour 12 huîtres. Hein. Oh, c'est hyper dur. J'ai failli me blesser 12 fois, mec. J'avais pas les ustensiles, mais l'huître, pas le talon. Mais l'huître, c'est une arme de destruction massive. Ah ouais, c'est chaud. C'est ça. On a Audrey avec nous au téléphone. Bonjour, Audrey. Bonjour tout le monde. Qu'as-tu déjà fait par toi-même et ensuite tu t'es dit, ah, la prochaine fois, je le ferai faire par un professionnel? Eh ben, moi, c'est faire la vidange de mon 4x4, réparer mon 4x4. Voilà. Ah ouais, c'est chaud. T'as essayé de le faire toi-même, ça? Oui, j'ai essayé. Bah, c'est comme changer un pneu. En théorie, je savais faire. Et puis, arrivé devant le concret, bah, j'ai oublié de bien reboucher le bouchon d'huile et ça a cassé le moteur. Ah, mais voilà, c'est le quoi 4x4. Le nombre de choses qu'on est capable de faire en théorie. Ouais, voilà. C'est fou, hein, mais le pourcentage qu'on réussit en pratique, c'est environ 1%. Merci de nous avoir appelé, Audrey. Glandu? Moi, ce que j'ai essayé de faire par moi-même, c'est il y a quelques années, j'ai essayé de tirer un feu d'artifice à une grande réunion de famille. Je voulais faire un peu le beau, quoi. Et le bilan, c'est que je me suis brûlé un doigt au deuxième degré. Et il y a un feu d'artifice qui est parti vers ma famille et qui a explosé à 1 mètre de grand mémé, de ma grande tante. Oh non! Et là, t'as dit, elle est ratée. Oh les gars! C'est un métier, le feu d'artifice. C'est un métier. 7h52, le petit train des questions, il reviendra la semaine prochaine. Ariana Grande, le nouveau sur Énergie. Bienvenue. We turning it up, yeah. We turning it up. Ain't got no tears in my body. I ran up, but boy, I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, when, who drives it. We out here vibing. We vibing. We vibing. Even when it's raining down, can't stop. Can't stop. So shut your mouth. The colors in you, I see them too. And boy, I like them. I like them. I like them. We way too fly to partake in all this hate. We out here vibing. We vibing. We vibing. Come on. Even when it's raining down, can't stop. Can't stop. So shut your mouth. Yeah. Right now I'm in a state of mind.

Elle a dit au revoir à Londres. Direction maintenant Paris pour la Bomba Latina. Deux concerts demain et après-demain au programme. Elle sera aussi à Bordeaux et Montpellier dans deux semaines. Des shows énergie, évidemment. 8h05, c'est la fin de ce flash. Pour réveil, bonne matinée sur Énergie. Il est 8h05 et je ne sais pas si dans votre vie, vous êtes déjà retrouvé un moment où vous dites « tout peut basculer ». C'est ce qui se passe dans ma vie à la seconde où je vous parle. Oula, pourquoi ? C'est-à-dire ? Je viens de recevoir un message de ma femme qui vient de m'appeler, qui m'a dit « mais t'es taré, t'as pris la moto ce matin avec la pluie qui tombe, il y a les gendarmes qui viennent d'arriver à la maison ». Bah, pourquoi ? Les gendarmes sont arrivés au portail en annonçant « alors nous vous expliquons qu'il y a une digue un petit peu plus loin à cause des orages, la digue risque de céder, comme vous êtes dans le creux, l'eau risque d'arriver, vous pouvez vous réfugier à l'école ». Mais non. Bah oui. Oh la gueule. Bah, attention quand même. Bah la pauvre et ma maison. Oui, mais c'est ta femme. Bah oui. Ah oui. Ah oui aussi. Ah oui. Et ta fille quand tu elle est à l'école. Ah. Quand tu elle va y aller. Quand tu dis tout peut basculer, c'est ton mariage en fait. Ouais. C'est ça finalement. Non, c'est mon terrain. Ma maison, t'imagines si on est inondé, qu'est-ce qu'on fait après? Comme tout le monde, il faut un vélo. Mais non, mais t'inquiète pas, c'est pas un tsunami non plus. Ouais. C'est sûr que ça va être complètement inondé. Dis-lui de sauver les meubles, de les mettre à l'étage au moins avant que la digue cède quoi. Oh là, je vais essayer de l'appeler. On sait jamais. Oh, quelle histoire, hein, qu'elle déplace les voitures aussi. Oh là, il y a la PS4. Ah ouais, dis-le mettre la PS4 en l'air. Ah ouais. Ouais, non, la PS4, évidemment, la PS4. T'as sauvegardé ? Oh là là, ouais, non, c'est bon, les sauvegardes sont faites sur le cloud. Ah, j'espère qu'elle va répondre. Ça va. Oh là. Allô ? Allô, c'est moi. Allô ? C'est moi ! La catastrophe ! Attends, avant tout, ne parle pas de notre mariage. Non, tu es en direct à la radio. Ah bon ? Oui. Oh, ça faisait longtemps, bonjour. Bonjour. Salut. Mais explique-nous ce qui vient de se passer. Non mais la cata, alors déjà, parce que vous savez où on habite, il faut quand même savoir qu'on a le petit magazine du village, le Tambour, où c'est écrit « Ne faites pas confiance aux gendarmes ». Donc Manu, il me dit « Ah oui, regarde, dis donc, si les gendarmes ils viennent sonner à la porte, faut pas leur ouvrir. » Oui, non, parce qu'ils ont expliqué, attends, je te baisse là. Alors, c'est le problème avec ma femme, c'est que quand elle parle, on ne comprend rien. C'est que, parce qu'ils ont dit, attention, il y a des faux gendarmes des fois, ils font des cambriolages. Oui, d'accord. Voilà ça, mais là, il y a des vrais gendarmes qui sont... Oui, parce qu'elle part sur autre chose. Ouais. Reviens avec moi. Je t'explique que du coup... Bon, alors, j'ai la rebaisse. Du coup, là, c'était les vrais. Non, elle voulait parler du Tambour, le journal local, quand même. Voilà, oui, c'est important, c'est le Tambour, quand même, qu'on regarde tous. Donc, est-ce que tu peux expliquer, juste, doucement, à tout le monde, ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont dit, les gendarmes ? Je t'explique. Quand, à 7h du matin, ding-dong, bonjour, c'est les gendarmes. Pourquoi je te parle du Tambour ? Parce que je me suis dit, oh, c'est les voleurs. Non, reviens. Oui, d'accord, donc c'est les gendarmes, donc je dis, oui, bonjour, c'est à quel sujet ? Oui, écoutez, c'est au sujet des inondations. J'étais là, purée, mais quelles inondations ? Alors, elle me dit, mais vous n'avez pas entendu la pluie ? J'ai dit, si, mais votre terrain est déjà inondé, on vient voir si tout va bien. Donc j'ai dit, ok, je vous ouvre, ça avait l'air, c'est vrai. Je descends, et là, je sors chez moi, purée ! Mais inondé de partout. Donc je cherche... Il est 22h30, faut que tu sois un petit peu plus courte. Non mais attends, ok. Et là ils m'ont dit mais il faut faire très attention parce que il y a la digue un peu plus haut qui est sur le point de s'effondrer. Il y a des litrons d'eau qui vont tomber. Donc si jamais vous pouvez vous réfugier à l'école. J'avais l'impression d'être dans les reportages de télé quoi. Mais attends, c'est que j'ai... reste là, il y a Jean-Pierre Pernaut qui va arriver. Ils vont faire un reportage sur nous. Oh là là. Ah mais vite, allez vous réfugier. Bah oui, mais d'accord. Bah... Nous, alors la PS4, tu la prends, elle est dans le salon. Mais... Oh, arrête ça. Bah arrête quoi, ça coûte une PS4. Bah, super, mais je te signale qu'il faut bouger les voitures et qu'il y a ta voiture qui est là. Donc moi j'ai pas les clés, tant pis pour ta voiture. Oh non. Ah bah oui. Comment j'ai parti à moto en plus ? C'est vrai que la valeur sentimentale de la PS4 est au-dessus, mais la voiture vaut quand même un peu plus. Bah quoi. Ouais. À choisir, Le problème de Manu, en plus, il veut pas que je la conduise. Alors, non, sa voiture sera inondée. Tu sais quoi, je préfère qu'elle soit inondée plutôt que tu la conduises. Mauvais calcul. Dégueulasse. Le résultat sera le même. Vous vous rendez compte, on a une digue qui est sur le point de céder, et des litrons d'eau, on va être inondé et tout. Oh là là là. Ah non, non, ça va nous pourrir le week-end, ça. Non, mais j'ai une copine qui est à côté. À 4h du matin, je regarde mon téléphone, message. Elle me dit, oh, la maison est inondée 1 cm d'eau partout. C'est qui ? Clarisse. Eh ben, oh, Clarisse. C'est sa monitrice d'équitation. Oh, j'ai dit à Nicky Rose. Et elle a commencé à pleurer. Elle a dit, oh, les filles, les pauvres. Mais là, elle parle de ma fille, donc il faut qu'on vous explique. Voilà, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi c'est dur, mon mariage ? Oui. Ok, parce que là, vous l'avez vécu pendant deux minutes. Ouais. Moi, c'est 24h24. Mais parce que tu prends pas le temps de l'écouter. Okay. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Il est 8h10. Mais non. Ça fait 4 minutes. Bon. Dis donc, c'est toi qui m'appelles, hein ? Ah, c'est pas ouais, faux. C'est vrai. Ok, t'as raison, j'ai raccroché. Ah non, t'as accroché ? Ouais. Non, non, non. Ah, ah. Il a peur quand même. Ouais, non, quand même. Elle est capable de changer les serrures. Hein. Je suis sûr que dans la maison, elle a planqué déjà des autres serrures. De toute façon, les serrures, elles vont être inondées. Alors, bon, si la digue pète, tu m'appelles, d'accord ? Ok, ça roule. Mais sinon, tu peux pas aller colmater, on a du plâtre. Je sais pas, les trucs. N'importe quoi. Bon, allez, je vous fais en courant. Ok, d'accord. Ok, bisous. Oh là, excusez-moi, mais c'est en direct, c'est important. Bah, ouais, c'est ta maison quand même. Alors, c'est ma maison, c'est ma PS4, c'est ma connexion internet. C'est incroyable ce qu'on dit. Oh, ça va nous niquer tout ça. Et le chat ? Oh. C'est le cadet de ses soucis. Le alors chat. Là, je t'avoue, bah, tu sais quoi, j'espère qu'il a appris à nager. Oh, c'est horrible. Bah, il est sympa, il espère qu'il a appris à nager non, au moins. Bah oui, voilà. Il s'en ira sortira. À l'étage. Oh, j'ai putain, merde, si vous nous écoutez, vous êtes à côté de chez nous, allez pousser la digue. Oh merde. Bon, il est 8h11, on est très très en retard, ah, on va doubler votre salaire. Et le mien, alors avec toutes ces conneries de l'inondation. Avant ça, on va s'écouter Maître Games et Vianney. 8h11. C'était pas les conneries, l'alerte orange. Ah bah ouais. Oh merde. Bon mes réveil. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue. Où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey range les gens qu'au fond jamais jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. T'es entré dans ma vie, oh ma liberté chérie. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Bienvenue sur Énergie, on est un petit peu chamboulé. Oui, ouais. Un petit peu chamboulé, du coup, normalement, on vous double votre salaire à 8h05. Nous sommes très très en retard, là au-delà du retard. On va faire ça dans 5 minutes. On va écouter Calvin Harris sur Rossi Lautner, c'est une nouveauté Énergie. Ça arrive pour vous. Avant ça, on a une petite minute pour quelques infos. Ouais, cool. On est le 12 juin aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a dans les infos ? Ah, en Argentine. Oui. Des hommes ont braqué une imprimerie. Pas n'importe laquelle. L'imprimerie des autocollants Panini. Oh non! Mais non! Écoutez bien, ils sont arrivés, ils sont partis avec 600 boîtes de vignettes de la Coupe du Monde, valeur 300 000 euros. Waouh! Ils sont braqués les vignettes Panini. Putain, tout ça pour remplir un album, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est ouf. Tu sais quoi? C'est pas sympa. Ils méritent d'avoir que des doubles. Voilà! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, en Franche-Comté, écoutez bien, un homme va être jugé pour avoir descendu depuis quelques mois ses poubelles systématiquement nues. Oula. Dès qu'il descendait de ses poubelles, il se mettait nu. Bah alors. Il y a une raison à... Alors, bah, ses voisins d'immeuble vont le croiser, du coup, ouais. Ils ont porté plainte. Donc, il a donné effectivement une explication qui est assez simple. Je trouvais ça plus pratique. Pourquoi? Au moins, il se salit pas avec les poubelles. Et c'est ça. Bah, il se salit lui directement, le corps. Quoi. Ouais, parce que dans ce cas-là, ça marche partout. Quoi. À la boulangerie, c'est plus pratique, mais ça ne se fait pas. Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'au tribunal, ça va pas tenir la route. Hein. Tu vois, ça marche pas, cette excuse. Ouais. Chérie, tu me trompes. Ah, oui, c'est plus pratique. Non. Non. 8h16, on revient tout de suite. Avec Calvin Harris et One Kiss. Et avec 20 minutes de retard, mais on va le faire quand même. On va vous doubler votre salaire dans 3 minutes. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30. Sur Énergie. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old, watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days. All our troubles, we'll lay to rest then. We'll wish we could come back to these days Brognard. Et maintenant, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est son anniversaire aujourd'hui à Denis Brognard, il a 51 ans. Et je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il a fait avec Adil Rami. Non. Adil Rami, pour vous rappeler, déjà c'est l'amoureux de Pamela Anderson. Ouais. Et c'est un joueur de l'équipe de France. Mm-hmm. Ah. Et ben, il a demandé à Denis Brognard un collier d'immunité de Koh-Lanta pour la Coupe du Monde. Ouais. Ah ouais, c'est drôle. Et Denis Brognard lui a donné. Et c'est pas tout, il lui a filé aussi un totem. Mais non. Ouais. Ouais. Il y a un mec en ce moment, il est en Russie, il s'entraîne pour le match et dans son lit il y a un totem. Ouais. Wow. Et si on gagne la Coupe du Monde, ce sera grâce à Denis. Exactement. Il est fort. Hein. Ah, mais si on la perd. Ce sera à cause de Denis. Je vois pas d'autre chose. Bon, bah, écoute, bonne chance Denis, tu démarres avec ça. Il est 8h20, on est très en retard ce matin parce que je suis désolé, il fallait que je prenne des nouvelles de chez moi parce qu'il y a des inondations que personne ne panique, ma PS4 est surélevée. Ah. On vous double votre salaire maintenant, oui, avec un quart d'heure de retard. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Energie.fr, manudansle69.com ou sur l'application manudansle69, vous vous inscrivez, c'est gratuit, je vous le rappelle, tous les matins, on vous appelle pour doubler votre salaire. Amandine habite le Touquet, c'est dans le Pas-de-Calais, elle a 24 ans et elle touche chaque mois 1230 euros. Amandine, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Juste après, on va s'écouter Calvin Harris et Dua Lipa. Allô? Allô Amandine? Oui. Je suis désolé, je suis un petit peu en retard. On est complètement en retard ce matin, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, merci. Je te pose la question et je pense que tu sais qui t'appelle. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur NRJ. Eh oui. Eh ben tu peux être contente Amandine parce qu'on va le doubler ton salaire. 1230 euros x 2, ça va faire 2460 euros. Oh, merci beaucoup. Oh. Je suis trop contente. Eh ben, mais sois contente, sois heureuse, c'est pour toi. 2460 euros Amandine. Oh, c'est génial. Alors, tu es Game Master dans un escape game. C'est-à-dire que c'est toi qui donne les indices, qui explique aux gens comment rentrer dans l'escape game, etc. Wow. Exactement. En fait, je les accueille, j'explique un petit peu le fonctionnement et ensuite, ils ont une heure donc, dans la salle. Donc, nous, on a trois thèmes différents et c'est à eux, en fait, de pouvoir avancer dans le jeu d'une étape à une autre en arrivant à la mission finale. On a tenté plusieurs fois de faire des escape games. Nous, à chaque fois, ce sont des échecs cuisants. C'est quoi le rapport de gens qui réussissent et ceux qui loupent? C'est vraiment de la communication. Il faut vraiment... En pourcentage, sur 100 personnes, sans équipe. Après, ça dépend. Un groupe sur deux, 50% de réussite. Ça va, on est nul avec 50% des gens. Ouais, et Amandine, tu dis c'est de la communication, mais t'as souvent des gens qui s'engueulent pendant les parties? Oui, j'en ai déjà eu. Ah ouais? Ah mais tout c'est le temps rare, hein. Ouais. Non, pas tout le temps. Non, j'ai déjà eu un ou deux groupes où vraiment je suis obligée de retirer le casque pour pas entendre ce qu'ils racontent. Ah oui, et ça va jusqu'où des fois quand ils s'engueulent? Une fois j'ai eu une dame qui disait à son mari: mais de toute façon t'es minable, t'es comme à la maison, tu la joues perso. Ouais. Oh, les règlements de compte. En fait, ils font des escape games pour ça uniquement. En fait. Je sais que je me suis déjà engueulé avec mes potes. Il y en avait un, il nous saoulait trop. Et on a récupéré des menottes qui nous avaient servi au début de la partie. Et on l'a accroché. On a récupéré les menottes, on l'a accroché dans un coin de la salle. Mais c'est non, il était trop relou. Il dérangeait tous les indices et tout. Il nous gâchait le jeu. On l'a attaché. On l'a attaché 10 minutes. Il a réfléchi à ses actes. Et le problème, c'est que ça, c'était il y a un an. Et depuis un an, il y a un mec dans l'escape game. Tout le monde croit que c'est un accessoire. Le mec il est défraîchi. Amandine, on te double ton salaire, 2460 euros, bravo à toi. C'est génial, merci beaucoup en tout cas. Et merci à toi d'être là chaque matin avec nous, on t'embrasse fort. 2460 euros, on peut vous doubler votre salaire à vous aussi, il suffit de vous inscrire energie.fr ou manudansle69.com ou sur l'application manudansle69. 8h23, Calvin Harris et Dua Lipa sur Énergie. On est mardi, c'est le 12 juin. Soyez les bienvenus. Feel your

plus électro aussi, mais il s'inclut dans une globalité, on va dire. Voilà, donc pour cette interview signée Emily Dez, Jane en tournée cet été pour les festivals à Dijon, à Grenoble ou encore du côté de La Rochelle. 8h35, fin de ce flash, mardi 12 juin, bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Très bonne journée. Vous comme chaque matin, 8h35, soyez les bienvenus, nous sommes le 12 juin, bonjour mardi ! Bonjour mardi ! David Guetta SIA arrive pour vous dans deux minutes, juste après comme chaque jour, c'est les sondages du matin. Yes ! Oui, les sondages du matin, écoutez bien. Deux personnes sur 10 se servent régulièrement de ce produit, bien qu'il soit périmé. Oh, c'est ma hantise. Ça me dégoûte déjà. Ah, c'est ma hantise. Ah bon ? Mais je ne sais pas si c'est dangereux. Est-ce que les deux personnes sur 10 sont encore vivantes? On va le savoir dans un instant. Super. Les sondages du matin après David Guetta et Sia. Mais avant ça, attention. Comme chaque année, les amis, nous allons, pour la dernière semaine d'émission, partir à la mer. Et oui, comme chaque année, on vous emmène avec nous. Du 25 au 29 juin, on sera au Gros du Roi. Comme on l'a fait l'année dernière. C'était cool. Et bien, on le refait encore. On va, pour les 5 dernières émissions de l'émission, de la saison, pardon, être là-bas, au Gros du Roi, en public. Trop bien. Ouais. 300 personnes chaque matin. Ah ouais. Wow. Si on se sert, on pourra en mettre 400. Si on se sert vraiment énormément, vous pourrez être 500. Si on se sert trop, on sera 1000. Du 25 au 29 juin, on sera au Gros du Roi. L'émission sera en public, vous allez pouvoir venir. Yes. Et attention, on va vous annoncer plein d'événements qu'on va faire cette année. Il y a du lourd, il y aura des invités. Mais avant tout, la chose la plus importante, c'est qu'on vous emmène avec nous. Vous allez pouvoir aller sur notre page Facebook maintenant, facebook.com/manudans69 pour vous inscrire. Vous allez être plus de 20 à venir passer la semaine avec nous. On vous offre une semaine de vacances. Wow. Génial. Vous serez logé dans une résidence avec une piscine. Waouh. Classe. À 300 mètres de la plage. Ah cool. Ah, le luxe quoi. À 300 mètres d'un bar. Un bar sur la plage. Apéro. Je le sais, on a été faire les repérages. On pourra prendre l'apéro très tôt là-bas. Nickel. On vous offre cette semaine de rêve, pas pour vous tout seul. Vous venez vous avec trois amis, avec trois personnes. Génial. Avec les trois personnes que vous voulez. Vous plus trois personnes, vous venez à quatre et c'est des groupes de quatre comme ça. Pendant toute la semaine, on va vous offrir cette semaine de vacances. Il suffit de vous inscrire. On va faire un tirage au sort. On fait comme chaque année, c'est simple. Vous allez sur notre page Facebook, facebook.com/manudans. Il y a un post tout en haut, Nico l'a mis, vous pouvez pas le louper. Vous vous inscrivez simplement en commentaire en disant « Oh, je veux venir, je veux venir, je veux venir ». On fait un tirage au sort et pendant toute la semaine, eh ben, on vous fait gagner 7 semaines de vacances avec nous. Ça va être fou, c'est trop cool. C'est classe. Ah, c'est, ah, oui. C'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai envie de me faire auto-gagner. C'est pour vous cette semaine de vacances du 25 au 29 juin. Vous serez avec nous. Vous allez sur notre page Facebook, facebook.com/manudans69. Et avant la fin de cette émission, les premiers gagnants, on va vous appeler. Ah ouais, ouais. Allez, c'est parti, sur notre page Facebook, vous vous inscrivez. Dans 3 minutes, les sondages du matin. 7h41, bienvenue sur NRJ. Comme on en a pas assez, on va écouter la pluie. Toujours autant de pluie chez moi. En tout cas, c'est le jour pour l'écouter. Orelsan et Stromae, ça arrive pour vous. C'est dans 2-3 minutes. Il est 8h41. Voici, avant ça, les sondages du matin. Oui, ouais. Écoutez bien, on démarre par une info qui me stresse. Ah. Vas-y. 2 personnes sur 10 se servent régulièrement de ce produit, bien qu'il soit périmé. De quel produit il s'agit, Paulette ? Le fromage. Ce n'est pas le fromage. Du chocolat ? C'est pas du chocolat. Dentifrice ? C'est pas du dentifrice. J'espère que c'est pas ça, mais des médicaments ? Non. Ah. C'est un produit comestible ? C'est comestible, ah. Oui. On s'en sert pour la cuisine. Ah, la confiture ? C'est pas la confiture. Non, des épices ? C'est des épices. Mais ah je crois que c'est pas bon, mais je crois que c'est pas très grave. Oui, mais s'il y a une date, moi à partir du moment où il y a marqué ne pas consommer après, et ben je me dis qu'il y a un mec qui l'a mis. C'est pas pour faire une blague. Donc voilà, je le fais pas. Mais les épices, moi j'ai mon petit comptoir à épices, j'en suis assez fier. Donc tu accumules un peu les épices. Non mais c'est vrai, et tu t'en sers jamais de ces épices au final. Bah, sauf quand tu cuisines quoi en fait. Voilà, c'est ça. Une fois tous les 2 ans quoi. Bah, c'est ça, une fois tous les 2 ans, tu dis tiens, curcuma. Ouais, c'est ça. C'est bon le curcuma. Hop là, je vais mettre dedans. Et après, une fois que tu l'as mis dans le plat, tu vas. 2 juillet 96. Ah ouais, quand même. C'est ça, exactement. Ouais. 2 personnes sur 10 se servent régulièrement de ce produit, bien qu'il soit périmé. Ce sont les épices. Ouais, mais on a personne pour nous dire qu'il l'a déjà mangé, quoi. Non. On ne sait pas où sont ces 2 personnes aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Voilà, je suis angoissé. Pour 2% des gens, c'est-à-dire pas grand monde, c'est le bruit le plus insupportable au monde. Attention, c'est pas facile à trouver. Les ongles sur le tableau. Mais non, c'est pour 2% des gens, ça c'est tout le monde les ongles sur le tableau. Ah. Faut vraiment penser à un truc qui est a priori pas insupportable. Ça provient d'un humain ce bruit ou pas ? Non, ça provient pas d'un humain. Ah ouais ? Okay. C'est le ploc-ploc de l'eau qui coule ? Non. Le bip-bip de recul d'une voiture qui se gare ? Non. C'est un bruit lié à la cuisine ou pas du tout ? Alors pas du tout. D'accord. C'est dans la salle de bain. Ah ouais. La machine à laver qui tourne, le ronronnement. Non, c'est un truc électrique, mais c'est pas une machine. Ah, genre pas la brosse à dents quoi. Si, ça peut être, c'est électrique, c'est pas une machine, c'est d'accord. pas loin. Le rasoir électrique. Non. Ah, le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux. Bah moi c'est mon quotidien, alors heureusement que j'aime le bruit. Hein. Pour 2% des gens, c'est le bruit le plus insupportable au monde. Ah le ouais sèche-cheveux. Ah ouais. Bah, okay. Alors que moi j'adore, ça veut dire que j'ai encore un peu de temps pour jouer aux jeux vidéo. Ah oui. 10% des couples préfèrent ne pas faire ça ensemble pour éviter les disputes. Ils préfèrent ne pas faire quoi ensemble ? Les courses. Non. Ah. C'était l'amour. Non, c'est pas vrai. C'est pas les courses. Regarder la télé. Non plus. Le ménage, chacun sa manière de faire le ménage. Non. Regarder une série. Non, c'est pas à la maison. Ah. C'est une activité sportive ou pas du tout ? C'est une activité. On peut dire que c'est une activité, mais c'est bon. Il y a un peu. On peut faire du sport, mais oula. Le sport c'est une partie de ce de grand. Cette activité. D'accord. Non, c'est pas une activité. Hein ? De ce truc. Ouais. Ah. Cette activité, elle est chiante ou pas à faire ? Ah non, c'est cool, c'est génial. On adore. On va tous le faire. On est content quand on le fait. Hein. Tout le monde est content quand il le fait. Mais 10% des couples préfèrent ne pas le faire ensemble pour éviter les disputes. Les vacances ? Partir en vacances. Oh, c'est chaud quand même. C'est cool. Pour éviter les disputes, ils préfèrent ne pas partir ensemble en vacances. Oh, bah, c'est que ton couple, il va pas très bien si tu pars plus en vacances avec ta moitié. Donc c'est un signe. Oui. Et pas un bon. Oui, 8h44, les sondages du matin reviennent évidemment demain à la même heure. Orelsan et Stromae tout de suite pour vous. Et juste après, on vous prend au téléphone au 0870 70 42 48. Je viens de la France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés, d'autres qui ont pas lu de livres, qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place, une éclair dans le monospace. Je freestyle et dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi. soleil 40 jours par an. Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre. Je regardais par la fenêtre enfermée dans ma chambre. Je priais pour la fin de l'averse et aller faire de la rampe. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer. Il fait quand même beau, il fait beau. Autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. 8h47, soyez les bienvenus sur Energy. Il y a Kaigo qui arrive, le nouveau s'appelle Remind Me. Le nouveau Kaigo. Ouais. Note à moi-même, ne pas tenter de donner des titres en anglais. On va prendre Kelly qui est là avec nous au téléphone et qui nous a appelé ce matin. Bonjour Kelly. Salut Manu, salut tout le monde. Kelly, hello. Il faut que je te prenne au téléphone parce que tu as un problème avec ton mec. Ouais, j'ai un problème avec mon mec, ouais. Sache que les chevaliers de l'amour sont toujours là pour toi. Les chevaliers de l'amour peuvent résoudre n'importe quel problème de couple. Ouais, c'est vrai. Des fois, la solution n'est pas bonne. Non. Mais on en a quand même une. Ouais. Quel est ton souci, Kelly? Alors, mon souci, c'est que mon mec, en fait, il est ultra radin. En fait, à tel point que, voilà, il sort que quand on est invité chez des gens. Et du coup, j'en ai marre de cette situation. C'est-à-dire voilà, qu'il va voilà, pas, j'en pas, j'en il veut pas inviter les gens chez vous, par exemple? Ah bah non. Ça c'est, ça devrait dire acheter plus, voilà, ouais, faire à manger, enfin voilà, quoi. Non. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble ? Ouais, ça fait 5-6 ans. Mais tu t'en es aperçu que maintenant ? Mais non, mais bon, je l'aime, quoi, il y a, voilà. C'est toujours ce truc-là qu'on aime. C'est chiant, hein ? Ça, c'est le problème. Ouais. Alors, il y a un moment, soit t'acceptes sa radinerie, soit tu l'acceptes plus. Ouais. Tu veux qu'on joue ça? Je suis limite. Hein. Écoute, j'ai un dé. Tu veux qu'on joue ça au dé? Oh, le pile ou face. Tu sais quoi, on peut faire avec notre enceinte connectée. Est-ce que tu veux qu'on tente le truc? On le fait avec notre enceinte connectée. On peut faire un pile ou face avec. Attends, on garde ça en dernier ouais. recours. Ouais. Paulette? Non, mais moi, à sa place, je pourrais pas rester. C'est impossible d'être avec quelqu'un de radin. Donc moi, je poserai un ultimatum. Si tu changes pas et que tu fais pas un travail sur toi, je me barre. Wow. Ouais. Oh. C'est chiant, les radins. C'est horrible, les radins. Ils profitent pas de la vie. Ils sont en train de calculer. Je sais pas si vous avez des copains ou des copines, ou votre mec ou votre nana. Ultra radin, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Ouais, moi j'ai une copine qui est ultra radine. À chaque fois qu'elle vient chez moi, elle amène une bouteille et si on la boit pas, ce qui est souvent le cas, elle repart avec. Mais honnêtement, ça change pas la qualité de la personne. C'est dans son éducation. Elle a été élevée comme ça, elle a pas l'habitude. Et franchement, c'est une fille géniale. Ouais, prochaine étape, c'est elle vient avec son siège. Ou alors elle vient même pas sans bouteille, mais elle repart quand même avec une bouteille. Mais Kelly, tu devrais lui dire à ton chéri. Moi j'ai un pote radin, mais c'est plus chiant pour lui en fait, c'est qu'il va se parfumer que dans des parfumeries. Il a un marionneau en Sephora autour de chez lui, ce qui fait qu'il alterne tous les jours. C'est génial. Et tous les matins, avant de partir au taf, il va se parfumer. Mais il est clair que les mecs, ils le savent. Ah bah oui, du coup, ils commencent à le connaître, quoi. Ouais. C'est drôle. Mais bon, écoute. Ouais, mais il embête personne. Moi, j'ai un pote, Antoine, avec qui je pars en Grèce cet été. Bah, donne les noms. Hein, je balance Antoine Radaman. Et on a loué une voiture pour une semaine, et lui, il dit qu'il ne veut payer que les jours où il utilise la voiture. Alors qu'on a loué la voiture pour tout le monde. Voilà. C'est improbable. Et lui dit je vais louer un vélo et je ferai les kilomètres à vélo. Je veux pas. Alors attends, vous êtes à deux à partir ou vous êtes. Non, on est plus. On est 6. À ce moment-là, vous le laissez vivre sa vie tout seul. Hein. C'est ce qu'on compte bien faire, ouais. C'est-à-dire que vous prenez la voiture, lui il vient à vélo, il aura des vacances lui aussi, mais décalé avec vous. C'est-à-dire que quand vous partirez de l'hôtel, vous le verrez arriver. Vous partez déjà. C'est ça. Paulette. Moi aussi, j'ai une copine Constance, je la vois moins. Moi, je la balance aussi. Donne le nom aussi. C'est marrant, vous avez remarqué, c'est très facile de donner les noms des radins. Parce qu'on en a marre. Moi, il sort que pour les happy hour. L'happy hour, elle est finie dans un bar. Hop, elle rentre chez elle, quoi. Alors que la soirée se passait bien, tu vois. Toi, t'es dans une discussion, elle te fait coucou, salut, je m'en vais. Et toi, c'est pas mal. Ok. Et tout ce qu'elle a chez elle, elle l'a ramené du travail. Tout ce qu'elle a, c'est-à-dire tous ses meubles. Genre, elle a une super belle table avec des super belles chaises. Et en fait, elle est professeure dans une école. Et à chaque fois qu'il y a une table un peu fendue et tout, ils disent bon, ben on va la changer. Et Constance, elle récupère direct. Donc en fait, chez elle, c'est que des tables de 50 cm de haut, avec des tout petits sièges et un vieil encrier là tout. C'est une maison pour nains. Et puis, où est-ce qu'on peut les ranger? Bah, dans la case. C'est pas mal. C'est vrai que si elle continue, un jour, tu ouvres un placard, tu vas avoir un autre prof, un élève, un truc. Elle ramène vraiment tout, quoi. Tout le monde. Elle est où la proviseur? Bah, depuis 4 ans, elle vit chez moi. Kelly, toi déjà, il n'y a pas que ton mec qui est radin. Ah ouais. Maintenant, oui, effectivement, on vit pas en couple avec tous ces radins. Bah, ouais. C'est ça. Oui. Donc après, c'est une question d'amour. Si tu l'aimes plus que sa radinerie, et bah, tu prends sur toi. Mais si tu nous appelles ce matin pour dire que t'en peux plus, c'est que ça pue quand même. Tu veux qu'on tente le pilou face avec l'enceinte? Oui, allez, on tente. Allez, ok. Attention, on demande à l'enceinte connectée, c'est elle qui va décider. Ok, Google. Pile ou face? Alors, pile, tu restes, face, tu pars. Oh là là. Ok. C'est parti. C'est pile. Tu restes. Ah, yes. Oh, je vous avoue que quand j'ai fait le truc, j'étais mal. T'es pas confiant. Quand je l'ai dit, j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais. Oh la vache. C'est pile. Mais peut-être que la chose, effectivement, c'est d'en parler avec lui qui est bah, oui. Mais oui, non mais c'est sûr. C'est sûr, il va falloir que... Et puis maintenant, si jamais il nous écoute, là au moins il est au courant. Ouais. Et puis il va pas du tout te crier dessus parce que tu lui as dit à nous avant lui. C'est bien. Vous allez avoir une bonne discussion ce soir et ça va régler le problème. Et Kelly va nous rappeler demain en disant, bon, les gars, c'était face finalement. Merci Léon. On t'embrasse Kelly, merci de nous avoir appelé. Oh, moi aussi, gros bisous. Gros bisous, 8h52, le nouveau Kaigo tout de suite pour vous sur Énergie. It never fades away. It's staying. Your kiss like broken glass on my skin. And all the greatest loves ending violence. It's tearing up my voice left in silence. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. Reminding me I got these scars to forget your love. Keep reminding me, oh, to forget your love. There's no room in war for feelings. Hurt me to the core, still healing. And I know you're no good for me. So I try to forget the memories. Cause baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. Bienvenue sur Énergie, on va écouter Nistro. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et

Pendant l'opération Fan de Foot chez Intermarché, tentez de gagner un voyage en Espagne, en Argentine, en Angleterre, au Brésil ou des millions d'autres cadeaux. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 15 juillet, tickets distribués tous les 25 euros d'achat. Modalité du jeu et magasins participants sur intermarché.com. Et bien sûr, foot veut dire nourriture. J'aime les plages désertes. Me retrouver seul face à l'immensité de l'océan. Et partir en jet ski à fond dans les vagues. Alors les dauphins, on fait la course. Jusqu'au 18 juillet chez Chris, pour l'achat d'une paire de solaires d'un montant minimum de 60 euros, Chris vous offre la deuxième. Classique ou sportive, vous trouverez forcément les lunettes de soleil qui vont de pair avec vos envies. Chris, vous allez vous aimer. Chris, opticien officiel du Tour de France. Valable dans les magasins Chris et sur Chris.com sur une sélection de montures. Offre non cumulable avec des promotions en cours. Conditions en magasin ou sur Chris.com. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 9h01, BBB. Qu'on amène le coq. Énergie. Attention, dans deux minutes, juste après les infos, on vous offre une semaine de vacances avec nous au Gros du Roi pendant notre dernière semaine d'émission de la saison. Ouais. Ce sera juste après les infos. On va écouter Sean Paul, il y aura aussi Nice, soyez les bienvenus sur Énergie. Toute l'actu sur Paris et Île-de-France avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Décidément, on ne s'en sort pas. La météo reste très perturbée. Moi aussi d'ailleurs, avec encore beaucoup de pluie sur l'ensemble de la France. Heureusement, quelques régions devraient quand même passer entre les gouttes. Les côtes de la Manche, mais aussi les bords de Méditerranée, avec un ciel assez dégagé, donc très ensoleillé. Des orages attendus également sur la Nouvelle-Aquitaine et les Alpes. Température en baisse cet après-midi. Il fera 17 degrés à Aurillac, 18 à Metz, jusqu'à 20 pour Laval. Pas d'amélioration, donc au contraire, on reste la tête sous l'eau encore ce mardi, notamment pour une grosse vingtaine de départements. Alors, deux zones sont en vigilance ce matin. Dans le Nord, tout d'abord sur un axe Mayenne-Ardennes en passant par l'Île-de-France, mais aussi dans le sud-ouest vers les Pyrénées jusqu'aux Landes. Beaucoup d'inondations, des routes impraticables et coupées. Soyez très prudents, ça ira mieux demain, c'est promis. Et une poignée de main chaleureuse, c'est l'image que l'on retient de la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un à Singapour cette nuit. Les deux chefs d'État se retrouvaient pour la première fois ensemble dans une même pièce, un moment historique pour les États-Unis et la Corée du Nord. Le leader américain fait pression depuis plusieurs mois pour obtenir le démantèlement de l'arsenal nucléaire nord-coréen. Elle joue à cache-cache. La grève des cheminots reprend aujourd'hui à la SNCF. On a un trafic un petit peu plus perturbé que la semaine dernière. 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2, 2 intercités sur 5. Si vous voyagez vers l'étranger, la moitié des trains sont maintenus. Retour à la normale jeudi matin. Et toi, tu feras quoi quand tu seras grand? Eh bien, difficile de répondre à cette question très sensible, même quand on est étudiant. Selon un sondage hier, 26% d'entre eux avouent regretter leur choix de filière dans le supérieur. Et côté boulot, ils souhaitent avant tout se rendre utile, même si l'épanouissement personnel et surtout le salaire sont très importants. Dans l'immense majorité des cas, les sondés reconnaissent l'influence des parents et de leurs conseils dans leur évolution de carrière. Un petit peu de foot, les Bleus de France 98 vont souffler leurs 20 bougies ce soir. Ils se retrouvent à Nanterre pour fêter leur titre de champion du monde il y a 20 ans. Au programme, un match amical contre d'anciennes gloires de l'époque. On verra donc Zidane, Blanc, Barthez, De Saïd, Djorkaeff, mais aussi le Brésilien Roberto Carlos ou encore Samuel Eto'o, le Camerounais. 30 000 spectateurs attendus pour cette rencontre diffusée sur TF1. Les gamers ont leur rendez-vous, c'est l'E3 qui s'ouvre aujourd'hui à Los Angeles, événement au cours duquel les grandes marques annoncent leur prochaine sortie jeux vidéo. Celle de la suite d'Assassin's Creed par exemple, les Français d'Ubisoft en ont déjà dévoilé une bande-annonce inédite. Et puis pas encore vraiment de bande-annonce, mais au moins un teaser. Netflix vient de dévoiler quelques images de la 6e et dernière saison de sa série House of Cards sans Kevin Spacey. Il a été rattrapé par un scandale de harcèlement sexuel aux États-Unis. Ces épisodes, en tout cas de House of Cards, seront mis en ligne plus tard dans l'année. 9h05, c'est la fin de ce flash, un léger retard ce matin. On est le mardi 12 juin et vous retrouvez comme d'habitude Manu dans le 6-9 sur Énergie. Bon réveil, bonne matinée, bonne journée. Avec vous comme chaque matin, 9h05, c'est le 12 juin. Bonjour mardi! Bonjour mardi! On va écouter Neistro, c'est Bella Ciao, ça arrive pour vous dans 3 minutes. Juste après, ce seront les infos de Glandu. Ouais. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Mais avant ça, attention les amis, c'est la fête à la plage! Ah ouais! Comme comme chaque année, notre dernière semaine d'émission de la saison, on va la faire en public, au soleil. Ouais. Les émissions du 25 au 29 juin vont se dérouler au Gros du Roi. C'est là où on va. C'est la troisième fois. Hein. Ah ouais, trop cool. Mais on aime bien. On aime bien. C'est à côté de la Grande Motte, c'est pas hyper loin de Montpellier. Ah ouais. Ouais. Au Gros du Roi, nous y serons pendant une semaine. Mmh. On fera les émissions en public, 300 places chaque matin pour vous. Vous pourrez venir nous voir, il y aura de la place pour tout le monde. Et on vous emmène avec nous. Yes. On vous fait gagner toute cette semaine, écoutez bien, une semaine de vacances avec nous. Ouais. Vous serez logé dans une résidence avec piscine. Wow. Si vous n'aimez pas la piscine, il y a la plage à 300 mètres. Mm-hmm. Si vous aimez ni la piscine ni la plage, vous inquiétez pas, il y a un bar de plage à 300 mètres. Allez, ouais. Apéritif. Alors, évidemment. Ouais, bien sûr. C'est pour vous, il y a plein d'activités, mais ça on va vous en parler un petit peu plus tard parce qu'on va créer des gros événements pendant cette semaine. Ouais. Des surprises. Mais avant ça, on vous emmène avec nous. Mm-hmm. Vous et trois personnes de votre choix. Attention, on rigole pas. La pression. J'appelle l'un ou l'une d'entre vous. Il suffit de vous inscrire sur notre page Facebook. Vous êtes déjà très nombreux à vous être inscrits. Tous les jours, on va vous offrir cette semaine. Allô ? Et on vous appelle. Par tirage au sort. Oui, oui, d'accord. C'est à moi que tu dis d'accord ? Oui. D'accord. C'est Caroline ? C'est Caroline, oui. Caroline, tu habites où ? De Nouvion-en-Thiérache. Le Nouvion-en-Thiérache. C'est où ? Alors, c'est dans l'Aisne, en Picardie, frontière belge. D'accord. Est-ce que tu as prévu quelque chose la semaine du 25 juin, du 23 au 29 ? Non, j'ai rien de prévu. Alors, écoute-moi bien, Caroline. Parce que tu t'es inscrite sur notre page Facebook, je t'annonce que tu vas venir une semaine de vacances avec nous au Gros du Roi. Franchement, vous êtes génial. Attends, c'est un truc de fou. Attends, tu vas voir. Là, t'es contente. Tu vas voir. À la fin de la semaine, tu dis ah non, mais je veux partir maintenant. Vous m'avez tous fatigué. Oui, je n'en peux plus des moins. Ouais. C'est ça. Vous êtes génial. Non, mais franchement, c'est ouf. Merci beaucoup. Je vous suis tous les matins en allant au boulot. Vous êtes vraiment les meilleurs. C'est pas mal. Ouais, c'est cool. Caroline, tu vas pas partir seule. Tu partiras avec trois personnes de ton choix. Est-ce que tu sais déjà dans ta tête qui tu veux emmener avec toi ? Oui, je vais emmener mon homme, Kevin. Et ma meilleure amie Lynn et son chéri Cédric. Donc ça marche. Les quatre. Mais ouais. Ça marche. Ah ouais. Mais voilà. Tu connais le dicton, partir à deux couples, à la fin on ne sait plus qui est avec qui. Ah, on verra bien. Quoi. C'est le genre de La Fontaine. C'est une fable. Qui n'est pas très connue. Ah, d'accord. Caroline, bravo à toi. Tu seras avec nous pendant toute cette semaine. On t'embrasse fort. Est-ce que je peux faire une petite dédicace à mes collègues du boulot ? Eh bien, fais une dédicace à tes collègues du boulot. Alors, salut Sophie, Amandine. Je vous fais des gros bisous. Mathilde aussi, Guylaine qui sont en train de me regarder depuis le bureau. Donc voilà, je fais un bisou à mon chéri, à Aline et à Cédric. Caroline, puis, il est 22h30. Donc voilà. On t'embrasse fort. Rendez-vous dans la semaine du 25 juin. Tu seras avec nous en vacances. Bravo à toi. Merci beaucoup, c'est génial. Je vous remercie. 9h09, Naïstro sur Énergie, c'est Bella Ciao. Et on va continuer à vous offrir votre semaine de vacances. Toute la semaine du 25 au 29 juin, on sera au Gros du Roi et on vous offre une semaine à partager avec nous. Ouais. Dans 3 minutes, les infos de Glandu. Ouais. Et on connaît tous les bisounours. Oui. Et ben, au Québec, attention, le nom bisounours n'est pas recommandé. Faut pas dire bisounours au Québec, c'est très très très mal. Oh là là là. Pourquoi ça veut dire autre chose ? Ouais, c'est complètement. Très bien. Je sais pourquoi dans 5 minutes. Les bisounours au Québec, épisode 1, dans 3 minutes, après Maestro sur Énergie. La mattina, il son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina, il son svegliato. Ed ho trovato l'invaso. Tu m'as tant donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao. Ciao, ciao, ciao, j'ai beau chanter, mais j'attends toujours que tu reviennes, oh mon amour. Continue sans toi, tu vas m'en vouloir. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, mais je l'ai fait pour toi. T'en prie, pardonne-moi, eh, à contre-cœur, oh bella ciao. La la la la. t'envoie mes mots de là où je suis. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quand tous les efforts, tous les écrits n'ont plus de sens, n'ont plus de prix. J'ai crié ma peine, mon poing sur les murs. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Crier que je t'aime, briser mon armure. L'âme qui pleure, mais le cœur dur. La la la la la, la la la la. Minutes, bienvenue sur NRJ. On va écouter Sean Paul. Y'a bon. Y'a bon Sean Paul. C'est quoi ça? Mais j'aime bien. Je suis content. Okay. Sean Paul arrive dans 3 minutes, mais avant ça, waouh, y'a bon aussi. Y'a bon les infos de Glandu. Ouais. Tous les matins. T'emballes pas, oh là, vas-y, vas-y. Attends, tu mérites que je te présente. Je t'en prie, vas-y. Mais si tu veux pas, je te présente pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Je peux faire aussi avec Gland, vas-y. Voici les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Et on commence avec un générique de dessin animé qu'on connaît tous. Effectivement, on le connaît tous. C'est plutôt mignon, les bisounours. Oui, après, j'écoute pas chez moi, hein, mais. On aime bien. Oui, bah, ils sont tout mignons, les bisounours, bah, évidemment. Mais ne prononcez surtout pas ce nom au Québec. Pourquoi? Parce que la bisoune au Québec, c'est le pénis. Ah. Oula. C'est le synonyme du pénis. Alors attends. Les bisounours, ça veut dire les petits pénis, si tu dis ça au Québec, ouais. Mais alors attends, question bête, mais je pense que tu as déjà la réponse. Ouais. C'est comment les bisounours s'appellent au Québec? Eh bien, ça s'appelle les calinours. De câlin et nounours, ouais, c'est moins rigolo. Mais du coup, okay. ils ont changé le nom. Et ils ont changé toutes les chansons et tout. Ouais, ils ont tout changé, ils ont refait le générique, ils ont tout refait. Ouais, ouais. Bah, ouais, sinon, c'était limite. Bah, c'était un peu compliqué, une émission pour les enfants qui s'appelle Les Petits Pénis. Sinon, c'est un autre thème. Quoi. Effectivement, c'est pas normal. Non. On continue avec une info historique. Louis XIV a fait fondre son trône juste pour se faire un peu d'argent. Ah ouais. Comment ça? En fait, c'était en 1689, il avait besoin d'argent pour soutenir les efforts de guerre. Attends, je note, 1689. Ouais, c'est important la date. Je suis fier de l'histoire. Hein. Il a sacrifié tout son mobilier en argent. Il a fondu des tables de 350 kilos, des miroirs de 425 et son trône. Mais pourquoi il avait besoin d'argent? Pour les efforts de guerre, pour soutenir les efforts de guerre. Il a besoin de mettre de l'argent dans la guerre. Parce qu'il faisait la guerre, quoi. Ouais, exactement. Et donc, du coup, il fallait qu'ils achètent des armes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fonde son trône, et avec son trône, il se dit, je vais avoir combien? 6 millions. Mmh. 6 millions de francs de l'époque. De livres. Anciens francs. C'était des très anciens francs. Ouais, là, des écus. Et des sesterces. Il attendait 6 millions. Et la gamelle, des pièces d'argent. Très bien. Il attendait 6 millions, et il en a eu que 2. Mais pourquoi il était nul alors au niveau Il était pas très bon négociateur, ce bon vieux Louis XIV. D'accord. Mais bon, après, la raison est noble, quoi. C'est cool qu'il ait fait ça. La raison est noble, c'est quand même pour faire la guerre. Oui, mais c'était un vrai, tu vois, c'était pas pour s'acheter des fringues ou des jeux de PS4, quoi, tu vois. Alors, malgré ce qu'on peut croire, figure-toi, alors je vais casser un mythe, Louis XIV n'avait pas de PS4. Bon. Autre info histoire, on est nul, hein. Putain, oui. Une info animaux. Le taureau s'en fout royalement du rouge, puisqu'il voit un noir et blanc. Ah bon? Ouais. Vous savez, dans les corridas, ils ont toujours un petit drapeau rouge. C'est pas un drapeau, c'est carrément la cape, quoi. Ouais, c'est ça, pour attirer un le. Un petit drapeau rouge. La corrida, selon Glandu. Non, mais attends, il y a un moment, il faut qu'il y ait une personne dans cette équipe qui tienne à peu près les rênes. Parce que là, entre la PS4 de Louis XIV et le petit drapeau rouge pour les corridas. Mais le problème, c'est que c'est censé être toi, donc on est mal, quoi. Bah, c'est censé être moi, pourquoi moi? Pas lui. Mais c'est quoi qui le saoule, du coup? C'est juste l'agitation. En fait, il est juste excité par le fait que t'agites quelque chose devant lui. Et qui est excité par le rouge? L'homme. En fait, c'est nous qui sommes excités par le rouge. Ah ouais?

appelle partout en France pour dire à n'importe qui, n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Il s'agit de l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Et il appelle aujourd'hui pour dire à quelqu'un qu'il a des problèmes d'alcool. Ça fait jamais plaisir. Allô ? Bonjour, ceci est un message automatique. Je vous écoute. Quelqu'un a pensé que vous devriez le savoir. Vous buvez trop d'alcool. Mais bien sûr. Alors qui c'est ce quelqu'un ? Glou, glou, glou. Vous buvez trop. Vous êtes complètement marjot, là. C'est quoi cette histoire-là ? Répétez après moi, je boirai moins d'alcool. Non, non, je répète rien du tout. Je suis pas mouton. J'ai jamais écouté qui que ce soit, alors. Buvez de l'eau. Ouais, c'est ça, ta sœur. Buvez du lait de chèvre, ou de brebis, ou de vache. Non, non, mais vous inquiétez pas, moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Buvez du jus de carotte. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, c'est ça. Ouais. La carotte, c'est une amuse dans le cul. Et après, tu m'appelles. Oh. Non, les légumes ne sont pas faits pour ça, merci. L'appel automatique de Georges, Manu dans le 6-9. C'est tous les matins et vous les retrouvez tous en podcast et sur manudansle69.com ou l'application Manu dans le 6-9. 9h27, Sean Paul sur Énergie. Some of that, love you know your booty pop when the beat drop. For me, my baby, where your teeth is a rap. Love the energy when you bring it up. In girl, you're peppering, you ever look hot. Every queen, girl, you know, say you never yet flop. I know I see, but me want for your talk. Me hide the punch sheet, precise and exact. Good Lord, girl, it's going so hard. Girl, you like something best when I'm spreading it to a bar. Soyez les bienvenus sur Energy. Vous savez quoi ? On va pas avoir le temps de faire le. On va pas l'ouvrir. On va pas avoir le temps. Ah non. Oui. Le centre d'accueil des hommes. Bon. On le fait demain, promis. Ouais. Bah oui. Parce que c'est une question de santé. Oui. Il faut. Le centre d'accueil des hommes, on voulait l'ouvrir, mais blablabla. On n'a pas le temps. Émission un petit peu chamboulée aujourd'hui. Tout fou. On l'ouvrira demain, promis. Okay. Vous êtes fait gronder par votre femme, par votre copine, ouais. Pour une raison injuste, sans doute. C'est tout le temps injuste. Et ben demain, vous pourrez vous exprimer. Cool. La playlist Énergie va démarrer juste après nous, les amis. Il y aura le dernier Ariana Grande. Il y aura aussi Bad Wolves avec Zombie. Et nous.